Bourgogne. Il pleut aussi sur tout le nord-ouest, entre la Bretagne, les Pays de la Loire et la Normandie. Cet après-midi, le ciel restera maussade sur une large moitié nord avec des averses et localement même des orages. Au sud, par contre, on profite encore du beau temps, mais il y aura du vent qui soufflera jusqu'à 80 km/h près de la Méditerranée. Demain, une bonne partie de la semaine, ce temps perturbé va continuer avec des averses, mais toujours du soleil dans le sud. Les températures sont en baisse. Cet après-midi, il fera 18 degrés à Brest, 19 pour Lille et Paris, 20 à Clermont-Ferrand, 21 degrés pour Strasbourg, Bordeaux et Nantes. Cet après-midi, 22 à Lyon, 23 pour Toulouse, 25 à Ajaccio, 27 pour Perpignan et 28 degrés à Marseille. Profitez d'un moment de détente avec piscine-hydrosud.fr, site internet et magasin spécialiste de la piscine. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Dès 14h, intégrale UEFA Euro 2016. Avec à 15h, Turquie-Croatie, suivi à 18h de Pologne-Irlande du Nord. 20h, Formule 1, départ du Grand Prix du Canada. Et à 21h, intégrale UEFA Euro 2016, coup d'envoi d'Allemagne-Ukraine. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. RMC 8h, toute l'actualité, c'est sur RMC, c'est avec Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François, la barbarie hooligan dans les rues de Marseille. 35 blessés hier, dont un supporter entre la vie et la mort. Combat entre plusieurs centaines d'Anglais et de Russes. L'Euro de football sur le terrain, cette fois-ci, c'est l'entrée en lice de l'Allemagne aujourd'hui. Et des Bleus qui ont pas mal de questions à régler malgré la victoire de vendredi. Et puis le mouvement de contestation à la loi travail. On pensait le dialogue possible entre la CGT, le gouvernement. Le patron du syndicat a été très clair hier, c'est non. Il est 8h sur RMC, bonjour à tous. Une heure et demie d'affrontement. Les images sont terrifiantes. Angleterre-Roumanie, match de l'Euro classé à haut risque hier à Marseille. Et cela s'est vérifié de la plus triste des manières. 35 supporters blessés. Un Anglais est ce matin entre la vie et la mort. Le vieux port de Marseille dévasté, des combats parfois effrayants, Lionel Dian. Les plus violents affrontements entre supporters ont éclaté entre 16h et 18h sur le Vieux-Port. Sofiane était présent à ce moment-là. Il doit y avoir des milliers de bouteilles d'Heineken par terre. Je les voyais, ils les lançaient, les bouteilles elles étaient pleines encore. Ils les ouvraient, ils buvaient une gorgée, les lançaient. C'est des animaux. C'était des charges des Russes. Une fois que les Russes ont fini de charger, c'était les Anglais qui chargeaient. C'était chacun leur tour. Tout ça pendant une demi-heure à peu près. Et on voyait toujours pas de policiers intervenir. Je le voyais, c'était pour le fun, ils rigolaient. C'était très mal. Il y en avait qui avaient la tête ouverte. Mais ils continuaient, hein. La tête ouverte, ils continuaient à se battre. Les rues étaient jonchées de tessons de bouteilles, les poubelles renversées. La plupart des restaurateurs ont alors tiré leurs rideaux, à l'image de Sébastien. On attendait plutôt le côté festif, surtout faire marcher la ville. Et là, avec tous ces incidents-là, on est obligé de fermer tous les établissements. Et c'est vraiment dommage. Pour Marseille, c'est un gros manque à gagner. C'est vraiment qui gâche la fête. C'est vraiment le mot, gâche la fête. C'est vrai que même moi, là, je viens juste de me prendre un gaz lacrymogène, alors que j'étais complètement étranger à tout ça. Ce matin, beaucoup se demandent à Marseille si de tels affrontements auraient pu être évités. Le reportage à Marseille de Lionel Dian. Alors, on pensait le terme désuet, mais non, le hooliganisme existe toujours, plus violent que jamais. Mathieu Zagrodzki, chercheur spécialiste des questions de sécurité, n'est pas vraiment surpris de ce qu'il a vu hier dans les rues de Marseille. Les Anglais, enfin pour certains d'entre eux, sont arrivés dès jeudi, donc ils passent leur journée, leur soirée à boire. Mais à partir du moment où vous avez des groupes entiers qui sont accumulés, agglutinés autour des pubs, autour des lieux un petit peu touristiques, des Russes dont certains veulent en découdre avec les Anglais pour montrer qu'ils sont plus durs, parce que c'est une question de réputation entre hooligans, et qu'en plus de ça s'ajoute ce passé entre Anglais et Marseillais depuis la Coupe du Monde 98, c'est un petit peu une recette explosive qui fait que on pouvait prévoir effectivement la survenance de ce type d'événement. Alors le bilan hier, c'est donc 35 personnes blessées, un Anglais d'une cinquantaine d'années, et ce matin, entre la vie et la mort, le ministère de l'Intérieur a tenu une réunion d'urgence hier soir pour envisager des mesures notamment d'expulsion de supporters identifiés hier, réunion d'autant plus nécessaire qu'à Nice, il y a eu aussi quelques débordements hier soir, des jeunes niçois sont allés provoquer des supporters irlandais, 7 personnes ont été blessées. La fête gâchée donc hier à Marseille, alors que tout avait bien commencé vendredi soir. Au stade Vélodrome, il y avait du football malgré tout et les Anglais ont déçu. Match nul, un partout face aux Russes. Le défenseur Gary Cahill estime qu'il méritait mieux. Nous avons très bien joué et un autre jour ça aurait fait 3 ou 4-0. Bien sûr, ce nul est difficile à encaisser, ça aurait dû être une victoire. Mais si on joue comme ça lors de nos prochains matchs, ce sera vraiment bien. On doit juste rester concentré, retrouver la force de caractère qu'on a montré lors de nos matchs de préparation. Il faut garder le positif, s'appuyer sur ce qui a marché et tout ira bien. Les autres résultats hier, le Pays de Galles a gagné 2-1 face à la Slovaquie. Et puis dans le groupe des Bleus, la Suisse a battu l'Albanie 1-0. L'équipe de France de retour à l'entraînement depuis hier au lendemain de sa victoire sur la Roumanie. Victoire qui n'a pas dissipé quelques quelques doutes, notamment autour d'un certain Paul Pogba, Mohamed Bouafsi. C'est le joueur qui a le plus agacé Didier Deschamps à la mi-temps du match contre la Roumanie vendredi soir. Le sélectionneur n'a pas apprécié la performance du milieu de terrain, mais aussi son comportement. Paul Pogba n'a pas réussi à peser suffisamment sur le jeu des siens, inquiétant pour l'élément le plus talentueux de ce groupe. Deschamps le dit clairement, il attend plus de Pogba. Déjà lors du Mondial 2014, le Turinois avait été pointé du doigt. Il avait alors l'excuse de la jeunesse, une excuse qui ne tient plus aujourd'hui. Certes, il n'occupe pas exactement le même poste en bleu qu'en club. Certes, il a davantage de responsabilités en équipe de France qu'à Turin. Mais il doit faire mieux et il le sait. Attendu au tournant, Paul Pogba a l'occasion de mettre tout le monde d'accord contre l'Albanie mercredi soir. À lui de jouer car le sélectionneur n'hésitera pas à le mettre sur le banc s'il juge que son apport à l'équipe n'est pas suffisant. Les précisions de Mohamed Bouafsi. Aujourd'hui, le champion du monde sera sur la pelouse. 21h ce soir, l'Allemagne affronte l'Ukraine. L'Allemagne qu'il faudra forcément suivre, c'est l'avis d'Emmanuel Petit. La même chose que Gary Lineker qui disait que le football se joue à 11 contre 11, mais à la fin c'est toujours les Allemands qui gagnent. Non, plus sérieusement, je dirais que à la fois en club mais aussi avec la Nationalmannschaft, ils sont extrêmement performants. Donc même si ils ont on a le sentiment qu'ils sont légèrement diminués par rapport à ce qu'ils ont fait lors du dernier mondial brésilien en étant champion du monde, ils ont quand même une sélection de grands talents avec des joueurs très expérimentés, c'est la sélection la plus expérimentée de l'Euro. Il reste quand même une équipe redoutable. Et les autres matchs du jour, nouvelle rencontre à haut risque à 15h au Parc des Princes à Paris entre la Turquie et la Croatie. Et puis à 18h, la Pologne affronte l'Irlande. Il est 8h05 sur RMC. Le reste de l'actualité, c'est la stratégie de l'épuisement qui semble payer pour le gouvernement. Contestation à la loi travail et la plus grosse raffinerie de France à Gonfreville et qui a voté la fin de la grève hier. Le patron de la CGT, lui, ne désarme pas. Philippe Martinez qui a rendu visite hier aux grévistes du site pétrochimique de Martigues dans les Bouches-du-Rhône. Cette loi, nous la combattons et c'est un combat juste. Et nous ne sommes pas décidés à lâcher. Ça fait 3 mois qu'on veut dialoguer, presque 4 maintenant. Un gouvernement qui dit « ma porte est ouverte, mais on ne peut pas rentrer ». Un gouvernement qui dit « je veux bien discuter avec vous, mais vous m'écoutez et vous ferez ce que je vous dis ». C'est ça la réalité du dialogue social tel qu'ils le conçoivent et c'est une honte. Voilà la réponse de Philippe Martinez à Myriam El Khomri qui invitait justement le patron de la CGT à venir dialoguer avec elle quand il voulait. La politique ce week-end, ce sont également les écologistes qui tentent la relance, congrès national hier, et David Cormand qui a été élu secrétaire général. Sordide histoire du côté de Libourne en Gironde, sordide histoire de famille sur fond de conflit conjugal. Pendant 5 ans, une mère de famille est restée cloîtrée chez elle avec ses enfants. Benoît Ballet, c'est l'ouverture d'une information judiciaire pour disparition inquiétante qui a permis de retrouver cette famille. C'est dans un appartement de la Bastide Girondine que la famille passait le plus clair de son temps, coupé du monde. Les deux plus jeunes enfants, une fille de 10 ans et un garçon de 13 ans, n'étaient pas scolarisés. Les sorties étaient réservées à la mère, quelques courses alimentaires loin des grands centres commerciaux, ainsi qu'à l'aînée, âgée de 23 ans. La mère a été mise en examen pour privation de soins ou d'aliments et abandon moral de mineur. Sa fille aînée est soupçonnée de complicité. Les deux jeunes enfants sont toujours hospitalisés, pas de maltraitance, mais des symptômes de malnutrition. Selon des premières déclarations, ce sont des violences conjugales qui auraient conduit la mère à vivre recluse avec ses enfants. Des accusations qui feront l'objet de l'enquête ouverte par la gendarmerie. Les précisions de Benoît Ballet, 8h07 sur RMC. L'actu sport ce week-end, ce n'est pas que le football, il y a aussi du rugby. Barrage de top 14 hier, le Racing a validé sa place en demi-finale en battant Toulouse. Aujourd'hui, Montpellier tentera la même chose. Montpellier favori face à Castres avec en meneur de jeu Benoît Payog, une des révélations de la saison de Julien Landry. Oui, on connaissait Peter Pan et alias Jean Gachassin, le petit caporal pour Jacques Fourou. Voilà donc aujourd'hui Little Big Man. Et dans ce rugby fait de muscles et de puissance, Benoît Payog s'impose avec son physique de monsieur tout le monde. Ce qui a fait ma force, c'est mon gabarit. C'est ce qui m'a aussi permis d'avoir un gros caractère. Je ne m'avoue jamais vaincu, même si des fois c'est difficile. Hein. Difficile, et surtout au début, il a fallu vaincre les préjugés sur sa taille. Mais aujourd'hui, c'est le patron de Montpellier, le chef du jeu ultra puissant du MHR. Une telle réussite qui le rapproche un peu plus de l'équipe de France. C'est mon rêve depuis que je suis tout petit, j'ai jamais connu de sélection jeune et j'aimerais en connaître une. En étant champion de France, il augmentera probablement ses chances. Peut-être, mais déjà en touchant le bouclier, j'aurais déjà atteint un objectif personnel et bah, pour moi c'est le plus beau trophée qui existe. Mais pour lever le fameux bout de bois, il faut d'abord battre Castres cet après-midi. Voilà, match à suivre sur RMC évidemment. Et puis sur RMC également, 20h ce soir, le Grand Prix du Canada avec Lewis Hamilton en pole position. 8h08 sur RMC, on termine avec les courses, François. Sorel. Et avec un tiercé quarté quinté plus cet après-midi à Auteuil, Sébastien Darras nous conseille l'As, Tsar de Noël, mais aussi le 6, Boulette Tous. Brahim Asloum, lui, reste fidèle aux 2, Rock the Race. Et Laurent Guédard, quant à lui, retient le 12, Greenamix. Et le 3, Cross in Hand. Nous avons donc l'As, le 6, le 2, le 3 et le 12. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RMC. 194 euros par mois. Offre valable pour une Seat Leon référence en location longue durée sur 37 mois et 30 000 km maximum. Entretien et garantie inclus. C'est bon, on l'a. Non, mais tu veux pas que je la refasse pour le plaisir parce que la Seat Leon référence à partir de 194 euros par mois. À ce prix-là, même les mentions légales deviennent un plaisir. Premier loyer de 2700 euros suivi de 36 loyers de 194 euros sous réserve d'acceptation du dossier par Volkswagen Bank. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 30 juin. Conditions sur Seat.fr. Venez en profiter ce week-end lors des portes ouvertes chez votre partenaire Seat. Ouverture selon autorisation. Thomas Duval, Banque Tarnot, bonjour. Bonjour Sophie Dumas, mon projet de magasin bio avance bien. Aujourd'hui un magasin, mais demain qui sait, toute une chaîne. Et bientôt une franchise. Oui, oui, une franchise internationale. Oh oui, revenons à votre projet. Je finalise votre dossier de prêt et prends rendez-vous avec notre spécialiste en crédit bail. À chaque étape de votre projet d'entreprise, de la création à sa transmission, les conseillers et spécialistes de la Banque Tarnot vous accompagnent et anticipent vos besoins futurs. Banque Tarnot, une banque du groupe Crédit du Nord. Banque Tarnot, plus loin avec vous. Petit message Peugeot en forme de remerciement. Avant toute chose, je tenais à remercier toute l'équipe Peugeot pour ce crédit exceptionnel à taux 0% sans lequel rien n'aurait été possible. Excusez-moi, c'est l'émotion. Je suis l'homme le plus heureux du monde dans ma nouvelle Peugeot. Merci. En ce moment, profitez d'un taux de crédit à 0% sur toute la gamme Peugeot. Portes ouvertes ce week-end. Crédit sur 12 mois au TAEG et taux débiteur fixe de 0% de 5 000 à 10 000 euros empruntés, soit pour 6 000 euros, 500 euros par mois sur 12 mois, total du 6 000 euros. Détails sur PeugeotWebstore.com. Le week-end des experts sur RMC. C'est bien embrouillé, hein. Votre auto. Je vais vous faire une proposition. Si vous êtes disposé à payer cash, oui, je pourrais baisser le prix jusqu'à 17 000. 16 000. Non. Si, monsieur, vous feriez ça. Si vous me versez un acompte, déjà, moi, je peux m'arranger pour trouver des papiers. Tu cherches à m'entuber ou quoi? François Sorel, Jean-Luc Moreau. On ne négocie pas le prix des voitures dans ce rendez-vous auto. Même pas pour la Fuego. Bonjour Jean-Luc Moreau. Bonjour Monsieur François, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Je remarque que le réalisateur vous a suivi pendant une semaine pour faire ce petit florilège. Et oui, après les animaux et Laetitia Barlerin qui était à mes côtés il y a quelques minutes encore, entre 6h et 8h comme chaque dimanche, on enchaîne avec l'automobile, vous le savez, le grand rendez-vous du dimanche matin entre 8 et 10 avec Jean-Luc Moreau qui est là pour répondre à toutes vos questions auto. Et Jean-Luc est en pleine forme, vous l'avez remarqué. Jean-Luc, au menu de ces 2 heures dédiées à l'auto. Dans un instant, nous aurons Jean-Marc qui va nous parler de son Scénic. Il a un problème avec un filtre à particules bouché. C'est un sujet un peu récurrent. Et vous trouvez ça drôle. Vous faites très bien le filtre à particules. Ouais, bouché. Notre bon plan auto tout à l'heure. Qui paye l'amende en cas de non-présentation de la carte grise? Ouais. Eh bien voilà. C'est une vraie question ça. Et oui. Ça sera dans quelques instants. Notre essai de la semaine, ça sera la BMW 225 XE. C'est comme ça qu'on dit? Exactement. Le monospace hybride rechargeable. Voilà, monospace hybride rechargeable qui a une particularité, c'est que c'est... Alors ça va donner mal à la tête aux blondes, hein, parce que c'est à la fois une traction avant, une propulsion et un 4x4. Mon Dieu, c'est vrai que ça donne mal à la tête. Hein. Et puis, en deuxième partie de ce rendez-vous auto, on fait un gros bisou à toutes nos auditrices, qu'elles soient blondes, brunes, rousses, il n'y a aucun souci, elles sont les bienvenues. Ou chauves. Ou chauves, bien évidemment. Et en deuxième partie de ce rendez-vous auto, on parlera assurance. Il paraîtrait que s'assurer moins cher, c'est possible aujourd'hui. Exactement. Alors bon, le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui ne s'assurent pas. Alors on verra déjà ça. Ça, c'est embêtant. Alors, vous savez, c'est pas que... rassurant. Oui, non, c'est pas rassurant. On aura avec nous le directeur général du Fonds de garantie des assurances obligatoires qui nous expliquera que il y a une hausse depuis 2009 de 40,21% des dossiers d'accidents avec des personnes non assurées. Et pourtant, la loi Hamon, qui est entrée en vigueur déjà depuis plus d'un an, permet aujourd'hui de faire jouer la concurrence. Alors comment ça marche, la loi Hamon? Est-ce qu'il faut faire de la paperasserie? On verra ça avec Hamid Benamara. Benamara, pardon. Pourtant, c'est pas très compliqué. Non, hein. c'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué, mais c'est il, oui, est tôt. Voilà, il est tôt. Alors, c'est ça. Voilà. Qui est le directeur général du site lesfurets.com. Vous savez, c'est un site de comparateur. Et on prendra quelques exemples très concrets des économies qu'on avec peut faire des modèles spécifiques. Exactement. En faisant jouer la concurrence. Et vous verrez, c'est impressionnant les écarts de tarifs qu'on peut avoir entre deux assurances à garantie égale. Oui, évidemment. À garantie équivalente, on peut gagner jusqu'à 30% si on fait jouer la concurrence. Et vous savez que la France, contrairement à une idée reçue, n'est pas un pays où l'assurance est très chère. Ah, on a des voisins qui ont des assurances beaucoup plus chères que nous. On découvrira un nouveau service tout à l'heure, Jean-Luc. Il s'agit d'avatacar.com. Ça, c'est pour tous les fainéants qui ont envie, malgré tout, d'avoir une voiture au top. Exactement. Ça vous propose de vous simplifier la vie en réalisant toutes les prestations d'entretien courant, comme la révision classique. À domicile, c'est plus vous qui n'allez au garage, c'est le garage qui vient à vous. Vous voyez, si vous n'allez pas. C'est pratique. Tu ne viens pas à Lagardère, ils auraient pu l'appeler Lagardère d'ailleurs, oui. Lagardère viendra à toi. Alors ils peuvent venir même à votre bureau. Et alors vous savez quoi? Le truc vraiment, la cerise sur le gâteau, c'est que c'est moins cher que les prestations chez le garagiste, mais aussi que les prestations dans les centres auto. Mais est-ce que c'est des prestations équivalentes au niveau qualité? Alors oui, le gars vient avec sa camionnette, il vous embarque la bagnole et voilà. C'est moins cher. Et puis on retrouvera notre rendez-vous de l'actu auto tout à l'heure avec Automoto comme chaque semaine et bien évidemment les gros titres d'actualité qui ont marqué l'actualité auto de cette semaine. Jean-Luc, c'est parti pour ce rendez-vous auto. Bon dimanche à vous toutes et à vous tous et merci d'être là. On accueille Jean-Marc pour débuter. Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Alors Jean-Marc, qu'est-ce qui vous arrive avec votre Scénic? Alors, donc je rentrais de vacances. Oui. Et en rentrant sur subitement, le témoin d'éjection s'est éclairé et le véhicule, sur 500 mètres, il s'est arrêté carrément. Alors que j'ai 63 000 km et j'avais pas de symptômes particuliers, aucun symptôme. Et donc dépannage et tout ça, donc interassistance. Et on m'a dit, c'est le filtre à particules qui est bouché. Oui, ben c'est un problème normal, hein, le filtre à particules qui est bouché sur un véhicule de 60 000 km. Non, faut pas que je le fasse comme ça. On n'est pas une radio qui diffuse des sketchs et de la chanson. Oui. Là, Jean-Marc est dépité. Jean-Marc n'a pas envie de rigoler son filtre à particules bouché. Exactement. Oui. Alors Jean-Marc, à part revenir de vacances, qu'est-ce que vous faites comme type de trajet avec votre Scénic? Je roule normalement. Non mais normalement, vous faites de la ville, vous faites des embouteillages, vous faites des petits trajets. Pas beaucoup d'embouteillages, non. Je fais pas beaucoup d'embouteillages. Vous faites des trajets de combien de kilomètres en moyenne? Eh bien, je fais des trajets 30-35 kilomètres. Quand je sors, c'est rare que je fais des petits trajets. D'accord. Bon, vous êtes de toute façon victime. Je vais souvent à Grenoble, chez mes enfants qui sont à Grenoble, donc c'est à 200 km. Et puis je suis un ancien chef d'atelier de chez Renault, donc je connais le FAP. Ouais. Et je sais qu'il faut le nettoyer. Donc, le problème, c'est qu'on dit il faut nettoyer le FAP, mais le FAP, en fait, lui, il est victime d'une panne qui n'est pas du tout lié à ça. En fait, il est victime de l'encrassement des injecteurs. Parce que la première panne sur les diesels modernes, c'est l'encrassement des injecteurs. Oui. Et ça a une incidence extrême sur le FAP, puisque pour arriver à éliminer les particules qui sont retenues dans le FAP, il faut injecter du carburant qui n'est pas brûlé dans la chambre de combustion. Et donc, il y a une petite post-injection qui se fait. Après l'injection principale, au moment où les soupapes d'échappement s'ouvrent, il y a une petite injection qui se fait et ce carburant qui n'est pas brûlé permet de monter la température dans le filtre à particules et de brûler les particules qui ont été retenues. Or, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où on a un léger encrassement des injecteurs, cette toute petite post-injection se fait mal ou elle ne se fait plus et petit à petit, on a un encrassement du filtre à particules qui lui-même après va provoquer encore un encrassement de l'admission parce que comme il y a une contre-pression à l'échappement, ça va provoquer un reflux à travers ce qu'on appelle la vanne EGR, donc ça va encrasser l'admission. Enfin bref, ensuite vous avez un cercle vicieux qui s'établit Et le problème, c'est que effectivement, à rendre l'âme dans tout ça, c'est le filtre à particules. Mais dites-vous bien que si vous changez simplement le filtre à particules, alors il y a d'abord des méthodes préventives. D'abord, il y a la méthode classique qui consiste, vous savez, je prends souvent l'image du cholestérol. Une fois qu'on a du cholestérol, bon, faut traiter, mais avant d'avoir du cholestérol, le mieux, c'est de faire du sport de temps en temps, enfin, ou plutôt régulièrement. Et donc, faire du sport régulièrement avec un diesel, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller prendre un bout de voie rapide et rouler au-dessus de 3500 tours. Je vais bien préciser pour tout le monde, ça veut dire que dites pas c'est Jean-Luc Moreau qui l'a dit si vous êtes prêt à 200 km/h, hein. Surtout pas. Non, mais sur un diesel, ça veut dire si on a 6 vitesses, on se met en quatrième. On roule au-dessus de 3500 tours pendant un bon quart d'heure. Hein, donc ça veut dire que faut y aller, quoi. C'est pas juste une petite pointe qui va permettre de nettoyer tout ça. Donc ça, c'est le préventif. Ensuite, le curatif, il existe des produits, avant que ce soit complètement bouché, il y a des produits qui sont assez efficaces pour déboucher les FAP, mais si vous ne nettoyez pas les injecteurs, la panne va se reproduire. Donc il faut obligatoirement nettoyer, produit pour nettoyer les injecteurs, ensuite produit pour nettoyer les FAP. Je vous avais donné, d'ailleurs, maintenant il commence à y avoir des gens, j'en fournis même à RMC maintenant, les produits Sphertech permettent de bien nettoyer ça. Bon, maintenant vous êtes arrivé au stade, oui, il faudra un démontage du filtre à particules. Disons que ça y est, c'est fait. Ils l'ont changé? Non, ils l'ont changé et il était complètement bouché. D'accord, alors ils l'ont changé. Alors, carrément en panne. Alors faites décrasser les injecteurs, sinon dans 20 000 bornes, vous êtes de nouveau en panne. Eh oui. Donc là, pour le coup, traitement injecteur, vous allez dans un centre auto. Et alors, les produits les plus efficaces sont les plus chers, puisque le principe actif, il est cher. Donc, si vous prenez un produit à 2 francs, ça ne marchera pas. Mais c'est très efficace. En préventif, hein, quand c'est bouché, ça ne sert plus à rien. C'est sûr. Le yaourt anti-cholestérol, quand vous faites un infarctus, c'est trop tard. Hein. Si vous en mangez un, ça ne vous aidera même pas. Même deux. Jean-Luc, en tout cas, merci Jean-Marc pour votre appel. On revient dans un instant pour la suite de ce rendez-vous auto. Comme chaque dimanche, Jean-Luc Moreau est là pour répondre à toutes vos questions. Le 3216 ou auto@rmc.fr. Et dans un instant, c'est Daniel qui va nous parler de sa DS5 hybride dans une minute. A tout de suite, c'est RMC. Le week-end des experts sur RMC, votre auto. L'UEFA Euro 2016, c'est sur RMC que ça se passe. Aujourd'hui à 15h, Turquie-Croatie, 18h, Pologne-Irlande du Nord et à 21h, Allemagne-Ukraine. RMC numéro 1 sur l'UEFA Euro 2016. Toute la passion du foot avec Oscaro.com, numéro 1 des pièces auto-neuves et d'origine sur Internet. Dès que je t'ai aperçu, j'ai eu envie de toi. Tu étais si bien dessiné, un top modèle. Avec tes 5 portes et tous tes équipements, je t'ai trouvé séduisante et pratique. Quand j'ai su qu'à partir de 7 990 € tu serais à moi, j'ai pensé à une blague. Et puis je t'ai essayé et je ne t'ai plus jamais quitté. Mon Opel Karl. Jusqu'au 30 juin, la nouvelle Opel Karl, désignée citadine de l'année par les trophées de l'Argus 2016, est à partir de 7 990 €. Avantages clients déduits, conditions sur opel.fr. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. Salut vieille branche. Bah, qu'est-ce que tu fais? Je me muscle pour pouvoir soulever tous les sacs de granulés de bois que l'on va me livrer. Mais tu sais pas que Total te livre tes pelets pile dans ton garage? Pile là où je les empile? Mais oui, et je dirais même plus pile poil. Ah, ça va mieux. Eh oui, Total s'engage à vous livrer vos pelets jusqu'à votre lieu de stockage. Total Pelet Premium, des granulés de bois sélectionnés avec soin par Total pour une combustion optimale. Commandez-les sur masolutionpelet.com. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Ce soir à 20h50 sur RMC Découverte, Traquez la pépite. Destination le Groenland, avec 8 chercheurs d'or en milieu hostile. 8 têtes brûlées qui n'ont peur de rien, ni de personne, prêts à tout pour dénicher le précieux filon. De l'or sous la glace, c'est ce soir dès 20h50 sur RMC Découverte, plus fort que la fiction, Canal 24. Allez-y, entrez. Vous voyez, on est sur de très beaux volumes. Ah oui, et il y a une belle vue dégagée. En plus, c'est bien équipé. Oui, et il y a même des caméras pour votre sécurité. Ah mais c'est parfait, ça. Et si vous vous décidez cette semaine, vous profitez d'une offre exceptionnelle. Eh bien, je crois que c'est décidé. Ne manquez pas nos offres exceptionnelles lors des portes ouvertes les 11 et 12 juin pour découvrir les crossovers Nissan Juke, Qashqai et X-Trail en concession ou sur Nissan.fr. Ouverture dimanche 12 juin selon autorisation. Nissan, innovez autrement. RMC, le week-end des experts. Votre auto, François Sorel, Jean-Luc Moreau. Nous voilà de retour, c'est RMC, le week-end des experts, l'automobile. Jean-Luc Moreau est là. Notez que dans quelques instants, on trouvera la météo et les infos de 8h30. Mais tout de suite, on poursuit avec vos questions et c'est Daniel que l'on accueille. Bonjour Daniel. Bonjour Jean-Luc, bonjour François. Bonjour Daniel. Bonjour Daniel. Comment ça va Daniel? Très bien, et vous? Ah bah écoutez, ça va. Jean-Luc est en forme. Voilà. Alors Daniel, tout va bien. Daniel, je vous appelle pour vous poser des questions. Parce qu'on le fait dans l'autre sens. Mais non, mais vous avez acheté une Zoé, c'est ça? Oui. Tout à fait, Daniel, vous êtes mon héros. Voilà. Alors non, mais vous savez quoi? J'ai une question à vous poser parce que cette semaine, on a fait des plateaux d'une émission qui va passer tout à l'heure sur M6 avec Dominique Chapat dans Turbo, qui consacre aux véhicules électriques. Et donc il me posait la question. Il me disait qu'est-ce que vous avez comme retour à la radio, puisque c'est vrai qu'il y a peu de médias, on est en liaison directe. Exactement. Avec ou nos lecteurs c'est ou nos auditeurs. C'est pas qu'il y en a peu, Jean-Luc. Il y en a un seul, c'est RMC. La radio. Donc, la question, il me demandait, qu'est-ce que pensent les propriétaires de véhicules électriques de leur voiture? Quelles sont encore leurs angoisses une fois qu'ils ont acheté la voiture électrique? Est-ce que l'autonomie reste une angoisse? Donc, je vous pose la question pour commencer. Voyez, on retourne le truc. Daniel, c'est moi qui vous pose une question. Eh ben, côté autonomie, non, pour moi, c'est pas une angoisse. Ben voilà. Quand j'ai eu la voiture, elle m'affichait 139 km en autonomie. Depuis que je l'ai, maintenant, c'est quasiment 160, parce que je suppose que... Vous avez appris à mieux vous servir, en particulier de la récupération d'énergie, c'est ça? Voilà. Mais c'est-à-dire que comme j'ai une hybride, je connaissais un peu le principe. Mais c'est sûr que quand elle est neuve, elle doit donner une moyenne. Non, je pense que... ça s'ajuste. C'est vous. Et puis vous savez où sont les prises. C'est l'avantage. Oui. Donc plus d'angoisse. Vous me rassurez, j'ai pas dit de bêtises. Non, c'est bien. Pour une fois, Daniel, vous savez quoi, j'ai pas dit de bêtises. Dans quelques mois, je rejoindrai le club. Voilà. Bon, alors, sinon, vous avez aussi une DS5 hybride, c'est ça? Voilà, en fait, ma question, c'est que j'ai une DS5 hybride dont je suis très content, qui va avoir 2 ans au mois de juin. Et sur les conseils donc de Jean-Luc, j'ai pris une Zoé en plus pour les petits parcours. Ouais. Et ma question, c'est quel est l'avenir de cette voiture hybride, qui est une hybride diesel, qui est une des rares hybrides diesel. Oui. Ouais. Vu les problèmes qu'il y a avec le diesel... Oui, qu'est-ce qui va se passer, c'est ça? Voilà. Jean-Luc. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Alors moi, j'en connais une qui va être en vente d'occasion bientôt, une DS5 hybride diesel avec un grand toit ouvrant, vous savez, pour descendre les Champs-Élysées. D'accord. Est-ce que Daniel a une raison de s'inquiéter? Non. Avant que ce genre de diesel-là soit touché par les restrictions de circulation, on les évoquera tout à l'heure d'ailleurs dans l'actualité avec Automoto, il va se passer un petit moment. En plus, les diesels PSA sont plutôt plus vertueux que les diesels de la concurrence. Donc, et c'est vrai que la DS5 hybride, ça marche pas mal. C'est relativement économique en carburant. Bon, ça a quelques défauts. Pour moi, le principal, c'est que c'est pas suffisamment confortable. Oui. Alors que c'est l'image d'une grande Citroën haut de gamme. Et je trouve que c'est pas à la hauteur de, par exemple, d'une DS, on va le dire pour. Ouais, c'est un peu DS. Sec comme une allemande. Voilà, ils ont fait une voiture qui correspond pas à ce qu'on attend de ce type de véhicule chez Citroën. Sinon, pour le reste, c'est une voiture très sympa. C'est plutôt jolie. Qui est plutôt bon, c'est une affaire de goût ça. Oui, c'est une affaire de goût. Voilà. Bon, à l'intérieur, moi j'adore le style aéronautique de la planche de bord. J'aime bien. Non, le mieux c'est de la garder, hein, Daniel. Vous allez pas être embêté, rassurez-vous. On va pas vous jeter des pierres parce que vous roulez avec un hybride diesel. Et si PSA a décidé d'arrêter les hybrides diesel, dites-vous bien que la France est pas la principale responsable. Mmh. C'est surtout la Chine qui décide, puisque ça va devenir le plus gros marché du constructeur. Et en Chine, on vend pas de diesel, donc c'est de l'hybride essence. Quand on commence à vendre des voitures, on en vend quelques millions. Voilà, et PSA a annoncé qu'il y aurait des hybrides essence rechargeables, des hybrides essence, et tout ça, ça va arriver. Et des voitures électriques également, ça va arriver bientôt. Daniel, donc n'ayez pas honte, et puis ce que vous pouvez faire, c'est coller à l'arrière. J'ai aussi une Zoé. Par exemple. Ça, c'est bon, tout le monde sera content. Merci Daniel, on revient dans un instant. C'est le week-end des experts, c'est l'automobile. Le 3216 ou auto@rmc.fr pour nous joindre. Météo info, on est de retour, à tout de suite.

Pourquoi moi j'ai rien fait? Parce que j'avais une tête à payer des amendes. Ça va, très bien, ok. Auparavant, c'est Bernard que nous accueillons qui est là. Bonjour Bernard. Bonjour. Bonjour Bernard. Bonjour Jean-Luc, bonjour François. Bonjour Bernard, on vous écoute. Voilà, j'ai un petit souci pas important. Ah. Lors de ma dernière révision sur ma Peugeot 308 SW diesel, le chef de garage m'a signalé qu'il fallait envisager le remplacement des pneus arrière, alors que les pneus avant pouvaient encore rouler 10 000 km. Or, ma voiture n'a que 36 000 km. Alors, je vous pose la question, est-il normal qu'une voiture use plus vite les pneus arrière que ceux de l'avant? C'est la première fois que cela m'arrive en 50 ans de possession de voiture. Qu'en pensez-vous? Non, c'est pas normal. Il y a forcément quelque chose qui est anormal qui fait que les pneus arrière s'usent plus vite que les pneus avant, parce que c'est vrai. Alors vous avez votre 308 SW, elle est de quelle année? De 2013. D'accord, donc c'est la génération, c'est pas le dernier modèle, c'est la génération. Non, ce n'est pas le dernier modèle. D'accord, c'est la génération d'avant. C'est la 112 chevaux, oui. D'accord. Alors qu'est-ce qui fait qu'on peut user des pneus un peu plus rapidement? Alors il y a une pression mal adaptée, vous vérifiez souvent la pression de vos pneus? Oh oui, très souvent. D'accord. Vous conduisez très sportivement? Vous êtes en dérapage souvent? Roues arrière, frein à main? Pas du tout. Vous aviez déjà changé les pneumatiques sur cette voiture? Jamais, c'est la première fois. D'accord. Bon, alors, ça peut venir... Normalement, il n'y a pas de réglage sur les trains arrière. Parce que quand on a des pneus avant qui s'usent irrégulièrement ou un peu trop rapidement, on peut mettre en cause... le réglage du train avant. Donc ça se règle, ça coûte pas extrêmement cher, ça coûte entre 50 et 100 euros suivant ce qu'il y a à régler, et en général tout rentre dans l'ordre. Quand c'est les pneus arrière, c'est beaucoup plus compliqué. Alors déjà, il y a plusieurs pistes, vous pouvez voir, bêtement, ça peut être des plombs d'équilibrage qui sont partis, mais je crois pas que vos deux pneus arrière sont usés de la même façon. Ah oui. Ouais, donc ça peut pas être ça. Alors ça peut être un réglage usine du train arrière qui est mauvais. Le problème, c'est qu'il va falloir trouver quelqu'un qui est capable d'analyser ça et éventuellement de vous régler ça, puisque j'ai dit tout à l'heure, ça ne se règle pas. Oui. Mais il peut y avoir un mauvais réglage usine au moment de la fabrication de l'auto, et ce qui provoque en fait une usure anormale des pneumatiques. Donc là, c'est votre concessionnaire Peugeot, voir un centre qui est spécialisé, alors là pas un centre auto classique, un centre qui est spécialisé dans les pneumatiques genre Euromaster ou des choses comme ça, qui peuvent éventuellement vous vérifier les valeurs de réglage du train arrière. Bon, en tout cas, merci Bernard, merci pour votre appel. Je vous en prie, merci à vous et bravo encore pour votre émission. Merci Bernard, au revoir. Voilà, au revoir. Et nous vous bénissons, Jean-Luc Aymar. Merci. Une petite hostie, même si vous êtes gentil. Ouais. Une hostie mini. Une hostie mini. Alors là, vous savez quoi, oui. Jean-Luc? Merci, j'applaudis. Parce que l'hostie mini, moi je dis qu'elle passe bien, comme ça. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, Aurélie et Daniel, eux, ne rigolent pas du tout. Mais c'est pas grave, écoutez, je sais pas. Peut-être pas compris, peut-être. Non, ils ont passé peut-être une mauvaise nuit. Non, parce que... Il va nous couper le son, vous allez voir. C'est et ça, on sera moins les malins. Ce que j'allais dire, Aurélie est blonde, alors, donc quelque part... Alors, vous savez quoi? Dans quelques minutes, il va avoir la pause. Je pense qu'elle va rentrer dans ce studio en furie et vous allez passer un mauvais quart d'heure. Eh ben, tout à l'heure, on va lui poser des questions. On va lui demander quelle est cette voiture qui peut être à la fois traction avant, propulsion et 4x4 en même temps. Bon. Tout à l'heure, sachez qu'on va parler avec un moteur devant, un moteur derrière en plus. En plus, il y a deux moteurs. Ah ouais, attendez, alors ça. Tout à l'heure, on va parler d'assurance. Est-ce qu'il est possible de s'assurer moins cher aujourd'hui? Est-ce que c'est compliqué? Comment s'y prendre? Quels sont les écarts qu'on peut avoir entre deux types de contrats équivalents chez deux assureurs différents? Comment ça fonctionne la loi Hamon? Comment je fais si je veux changer d'assurance aujourd'hui ça? On verra ça tout à l'heure. Mais dans les médias, Jean-Luc, c'est notre bon plan auto. Qui paye l'amende en cas de non-présentation de la carte grise? Alors, ça serait bien que vous nous donniez directement votre adresse pour que tout le monde puisse vous envoyer en fait les PV qu'il reçoit, puisque ça sera votre bonne action, on va dire ça, non? Oui, c'est non, ça. Vous oui. Avez des... Bon. Alors, allez-y. En cas de non-présentation de la carte grise, hein, comme il s'agit d'une infraction qui est liée à la conduite du véhicule, la responsabilité pénale, c'est celle du conducteur. Ah donc, oui. Si vous ne présentez pas les papiers, oui. Eh bien, c'est vous qui devez payer l'amende. En revanche, s'il y a un défaut de carte grise, n'avez pas fait immatriculer votre voiture, vous l'avez acheté il y a déjà très longtemps, vous n'avez pas fait le changement de carte grise, vous avez encore celle de l'ancien propriétaire, donc vous êtes en défaut de carte grise. Là, c'est le propriétaire du véhicule qui est responsable. D'accord. Et c'est lui qui doit payer l'amende. Bon, vous avez quand même, quand vous n'avez pas... Alors, il y a un cas de figure dans lequel vous n'êtes pas obligé de présenter l'original de la carte grise, c'est dans le cas d'un véhicule de location, parce que vous devez présenter l'original. Parce que si vous présentez une photocopie, vous prêtez votre Fuego, par exemple, et vous me donnez la photocopie de la carte grise, je me fais arrêter par la police. Oui. Donc, c'est en fait un bon, déjà, si vous faites arrêter par la police, ils vont vous dire « Waouh, quelle belle voiture !» Oui. C'est ça qu'ils vont dire. Bon, alors, une fois qu'ils se seront extasiés, ils vont me demander les papiers, quand même, pour savoir si elle a le droit de rouler. Vous dire, vous avez encore les papiers ? Et ça passe le contrôle technique, ça. Ça passe encore le contrôle. Donc, si je donne la photocopie miteuse que vous m'avez prêtée, bah, ça marche pas. Hein. Non. Sauf si c'est un véhicule de location, auquel cas, vous pouvez présenter une photocopie des papiers. Mais dans le cas d'un véhicule qui appartient à un particulier, malheureusement, vous devez avoir l'original des papiers. Alors, si vous ne les avez pas sur vous, vous allez prendre un petit PV, que paiera donc celui qui était au volant, et vous avez un petit délai pour aller présenter les papiers à la gendarmerie, à la police, enfin... À tout le monde, quoi. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller... Si, par exemple, je suis arrêté avec votre Fuego sur la Côte d'Azur, bon, m'étonnerait déjà, parce qu'il faudrait pouvoir descendre là-bas. Mais bon, en admettant que... admettons que je la mette sur un TGV. Voilà, ouais, du fret, ouais. Voilà, du fret. Ouais. Alors, on la ramène à Paris. Bon, j'ai pas présenté les papiers parce que je les avais pas. Je suis pas obligé de redescendre à Saint-Tropez, par exemple, à la gendarmerie à Saint-Tropez, voir l'adjudant, comment il s'appelle d'ailleurs, dans le gendarme. Cruchot. Je suis pas obligé de retourner voir Cruchot pour lui montrer les papiers. Je peux aller au commissariat près de chez moi et montrer que, effectivement, cette voiture-là, malgré l'aspect qu'elle a vraiment, vraiment des papiers. Ça m'évitera un PV de 90€ si vous payez dans les 15 jours. Mais majoré à 375€ si vous laissez passer ce délai. Bon, Jean-Luc, après toutes ces précisions, on va revenir dans un instant. Avec l'essai de la semaine, on l'a dit, ce sera la BMW 225 XE et Alain qui va nous parler de sa Volkswagen Passat. Voilà, il a un disque arrière voilé. On en parle dans une minute. A tout de suite, c'était RMC et c'est le week-end des experts auto. Le week-end des experts sur RMC, votre auto. J-3 avant le match de la France face à l'Albanie. Soutenez les Bleus en participant au Playback Challenge de Carrefour. Plein de cadeaux sont à gagner, des téléviseurs, des places de match et même votre place dans le clip des supporters des Bleus par Skip the Use. Carrefour, partenaire officiel de l'équipe de France de football. Règlement sur l'application Playback Challenge de Carrefour. Attention, le dimanche avec Winamax, le poker est sur RMC. Dès 20h, retrouvez Daniel Riolo pour la soirée poker sur Winamax.fr. Et à partir de minuit, RMC Poker Show. Les plus grands tournois, les anecdotes, tous les conseils. Le poker dans tous ses coups, c'est le RMC Poker Show sur RMC. RMC Poker Show avec Winamax, site de poker en ligne. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Pendant ce temps, chez Renault... Vous en connaissez beaucoup des endroits branchés avec 5 portes? Voici Twingo, branché et même connecté avec mon smartphone et l'application Rengo. Renault Twingo est à partir de 129€ par mois, sans apport, sans condition de reprise, 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Portes ouvertes ce week-end. Offre pour Twingo Life SE 70 LLD 49 mois 40 000 km maximum sous réserve d'acceptation par Diakessa. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 juin dans le réseau participant. Renault.fr. Sir Edwards, Sir of Scotland. La légende raconte que Sir Edwards aurait été un Écossais authentique et généreux et qu'il aurait été élevé dans un fût de chêne. Ou bien, est-ce le whisky Sir Edwards? Sir Edwards, Sir of Scotland. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Votre application RMC Sport évolue. Téléchargez-la gratuitement. RMC Sport, plus qu'une équipe. une Dream Team. 194 euros par mois, offre valable pour une Seat Léon de référence en location longue durée sur 37 mois et 30 000 km maximum. Entretien et garantie inclus. C'est bon, on l'a. Non mais tu veux pas que je la refasse pour le plaisir parce que... La Seat Léon référence à partir de 194 euros par mois, à ce prix-là, même les mentions légales deviennent un plaisir. Premier loyer de 2700 euros suivi de 36 loyers de 194 euros sous réserve d'acceptation du dossier par Volkswagen Bank. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 30 juin. Conditions sur seat.fr. Venez en profiter ce week-end lors des portes ouvertes chez votre partenaire Seat. Ouverture selon autorisation. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 7-32-16. 65 centimes par envoi plus prix du SMS. Salut vieille branche. Bah, qu'est-ce que tu fais? Je me muscle pour pouvoir soulever tous les sacs de granulés de bois que l'on va me livrer. Bah, tu sais pas que Total te livre tes pelets pile dans ton garage? Pile là où je les empile? Mais oui, et je dirais même plus, pile poil. Oh, ah, ça va mieux. Eh oui, Total s'engage à vous livrer vos pelets jusqu'à votre lieu de stockage. Total Pelet Premium, des granulés de bois sélectionnés avec soin par Total pour une combustion optimale. Commandez-les sur masolutionpelet.com. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Allez-y, entrez. Vous voyez, on est sur de très beaux volumes. Ah oui, et il y a une belle vue dégagée. En plus, c'est bien équipé. Oui, et il y a même des caméras pour votre sécurité. Ah mais c'est parfait, ça. Et si vous vous décidez cette semaine, vous profitez d'une offre exceptionnelle. Eh bien, je crois que c'est décidé. Ne manquez pas nos offres exceptionnelles lors des portes ouvertes les 11 et 12 juin pour découvrir les crossovers Nissan Juke, Qashqai et X-Trail en concession ou sur Nissan.fr. Ouverture dimanche 12 juin selon autorisation. Nissan, innovez autrement. Salut, c'est Jean-Laurent Séguier. Quel match d'ouverture, quelle ambiance! Cette victoire des Bleus, l'Euro débute sur RMC. On est dedans et mercredi, on se retrouve depuis Marseille pour France-Albanie. RMC numéro 1 sur l'UEFA Euro 2016. L'Euro en France, c'est unique sur RMC. RMC, le week-end des experts. Votre auto, François Sorel, Jean-Luc Moreau. Le retour du week-end des experts, l'automobile avec Jean-Luc Moreau, notre expert auto, sans doute l'un des meilleurs experts dans le monde de l'automobile, hein, oh là là. En France. Oh, c'est bête, j'allais dire une vacherie sur vous et maintenant j'ai mauvaise conscience. Ouais. Alors le chèque, attention, Sorel, hein, ne met, c'est S-O-R-E-L, c'est pas S-A-U. Hein. Chèque, vous l'écrivez C-H-E-I-K, c'est ça, le chèque Sorel? Non, le chèque en blanc. Attention Jean-Luc, dans un instant l'essai de la semaine, mais auparavant c'est Alain que nous accueillons et qui a une question pour vous. Bonjour Alain. Bonjour Alain. Bonjour. Parlez sans crainte. Et sans haine. Oui, très bien. Voilà, simplement fin mars de cette année, j'ai acquis une Passat TSI. Oui, bah c'est bien et, ça. Oui, une bonne auto, excellente. Sauf que tout à fait au début, j'ai entendu des petits bruits. Alors vous savez, les petits bruits, quand on annonce ça à un garagiste, il est souvent un petit peu ironique. Et puis ces bruits se sont... Amplifié. Donc je suis allé trouver l'agent Volkswagen, très excellent accueil, etc. On a regardé la voiture, on l'a essayé, et apparemment ce serait des graviers, des petites saletés, donc on a nettoyé, je suis reparti. Sauf que le problème s'est amplifié, j'y suis donc retourné, et là, j'ai dit écoutez, je suis un vieux briscard, j'entends un bruit à l'avant, gauche, donc ça doit être à l'arrière, droit. Et effectivement, les résonances qui sont sous les voitures, vous savez, c'est souvent ça. C'est vrai que parfois il y a des bruits sur les autos qui sont liés. C'est comme vous pouvez par exemple avoir l'impression que votre voiture est floue de l'avant alors que c'est un pneu arrière qui est dégonflé. C'est ça. Voilà, donc j'y retourne, toujours très bien accueilli, et là on regarde de façon précise, et le verdict c'est un disque arrière voilé. Donc voilà, on change le disque, 3 jours quand même, le temps d'avoir la pièce, et je repars très bien. Au passage, j'attends toujours le compte-rendu du garagiste, qui attend lui-même l'avis, parce que j'ai demandé à ce qu'on aille un peu plus loin, qu'on demande comment les voitures étaient testées, étaient contrôlées, et quand on touche au freinage, je pense qu'il y a pas, on n'a pas à avoir d'à peu près. Quoi. Vous avez raison, et c'est quand même extrêmement rare. Ce qui vous est arrivé. Hein. Alors, c'est évidemment lié à un défaut de fabrication du disque, Parce que sur une voiture neuve. Alors bon, quand une voiture est neuve, il y a une période de rodage entre les plaquettes et le disque. Vous savez certainement, vous savez certainement ça. Donc il faut y aller doucement. C'est-à-dire, on se fait pas une descente de col en roulant plein pot quand les disques et les plaquettes sont neuves, parce que autrement on sabote tout. Mais dans votre cas, c'était vraiment un défaut qui était un défaut de fabrication. Alors les voitures chez Volkswagen, elles sont toutes testées une par une. Une fois qu'elles sont fabriquées, elles sortent pas de la chaîne comme ça, elles partent pas chez le concessionnaire. Il y a une petite phase de test. Ils font pas 1000 kilomètres, hein. Ils font quelques kilomètres. Mais chaque voiture est testée. Donc, normalement, le problème aurait dû être identifié par les gens qui font ça. Donc, vous avez pas eu de chance. Votre voiture, elle est passée à travers. Mais je peux vous dire que c'est extrêmement rare. C'est pas propre à Volkswagen. C'est propre à tous les constructeurs. Aujourd'hui, d'abord, des défauts de fabrication sur ces pièces-là, il y en a extrêmement peu. Bon, il est possible que votre disque, pour une raison XY au moment de sa fabrication, il ait pris soit un choc thermique, soit même un choc physique, pourquoi pas, soit un mauvais stockage, j'en sais rien. Mais si vous voulez, la question que je me pose, c'est en principe, ces disques qui sont stockés en pile, ils sont certainement sous-traités à une autre usine. Je veux dire qu'il y en a un qui est voilé dans le lot, toute la pile est voilée. Donc c'est un petit peu ça qui me... Pas forcément. Vous savez, au moment de la fabrication, au moment où les disques sont rectifiés, ça peut être un... je vais dire n'importe quoi, hein. S'il y a un usinage et que la machine qui fait l'usinage n'a plus de lubrifiant, d'un coup la pièce va chauffer plus fort, donc elle peut prendre une mauvaise forme. Enfin voilà, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ça. Maintenant, c'est franchement, ça n'arrive aujourd'hui pratiquement plus jamais. Mmh. En tout cas, merci Jean-Luc d'avoir levé le voile sur le problème de notre auditeur Alain, si je puis dire. Oui, mais vous aussi, vous avez un disque qui est voilé, non ? Comment ? Hein ? Riez un peu, hein, non ? C'est un peu toujours le même. Jean-Luc Moreau, faites attention à vous, faites attention. On va dans un instant retrouver la météo, les infos de 9h, mais auparavant c'est l'essai de la semaine, les amis. Et l'essai de la semaine, c'est la BMW 225 X monospace hybride rechargeable. Je voudrais qu'on recommence le lancement de ce sujet, parce que le pour démarrer, ça va pas du tout avec cette voiture là. Franchement, ça va pas du tout avec cette voiture. Une voiture très atypique chez BMW. D'accord. D'abord, c'est un monospace, donc il y en a quand même pas une foule. Il y a effectivement ce série 2, c'est le monospace de BMW. C'était la première traction chez BMW. Vous vous rendez compte? Hérésie pour les BMistes. C'est une catastrophe. On veut faire des tractions avant. Souvenez-vous, je vous avais dit, c'est un monospace, traction avant, avec un moteur 3 cylindres. Oh là là! Oulala. On m'aurait brûlé il y a quelques années si j'avais prophétisé ça chez BMW. Oui, c'est vrai, j'aurais fini sur un bûcher. Un mauvais quart d'heure. Bon, et ben celui-là, il va encore plus loin. Mystère et boule de gomme, je le garde encore un petit peu. Alors bon, déjà, les qualités de l'auto. Qualité de fabrication remarquable, vraiment une présentation très premium, à mon sens d'ailleurs, dans la catégorie BMW et devant Audi et Mercedes, hein. Vraiment qualité de fabrication, il y a franchement rien à dire. Je me suis mis à quatre pattes un peu partout pour voir si je trouvais un défaut. Rien du tout. Il y en a pas. Alors également très bon rapport encombrement habitabilité, ce qui est plutôt bien pour un monospace dont la vocation est familiale. Mmh. Alors par chance, sur cette version qui est hybride rechargeable, donc vous commencez à comprendre un petit peu où va être la différence, la batterie est sous la banquette arrière. Alors, certes, ça va décevoir Laetitia Barlerin, parce que la banquette ne coulisse plus. Je suis d'accord. Beaucoup les banquettes qui coulissent, elle coulisse plus. Elle est aussi un petit peu plus haute de 3 cm, mais le coffre ne perd finalement pas beaucoup de capacité. Il perd 68 litres seulement. Donc il reste à 400 litres, ce qu'on peut considérer comme raisonnable dans la catégorie. Alors qu'est-ce qu'il y a de différent aussi sur cette voiture? Bon, à l'extérieur, franchement, faut vraiment un œil exercé pour voir. Il y a une trappe supplémentaire sur l'aile avant gauche. D'accord. Qui permet de brancher la voiture. Eh oui. Et puis à l'intérieur, à côté, sur la console centrale, vous avez un petit bouton e-drive. Oui. Ça signifie quoi? Et c'est là que les blondes ont mal à la tête. Alors, à l'avant, si on soulève le capot, on va trouver le fameux moteur 3 cylindres essence qui m'aurait valu le bûcher il y a quelques années, accouplé à une boîte automatique à 6 vitesses. Mais c'est pas tout. Il y a un deuxième moteur. Il est derrière. Et celui-là, il est électrique. Il fait 88 chevaux, il est placé à l'arrière, il est alimenté par une grosse batterie lithium-ion qui fait 7,7 kWh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette BMW, quand on appuie sur le fameux petit bouton e-drive sur la console centrale, c'est une voiture électrique. Elle peut faire 40 km. Alors vous allez me dire combien vous avez fait de kilomètres avec? J'ai fait 35 km exactement en traction électrique en ayant une portion où je roulais à 110 km heure. Ah oui. Donc ça veut donc dire que si on est en ville, on peut faire 40. On peut faire 40 d'accord. Si on fait que de la ville. Okay. Donc c'est déjà très bien. On peut rouler jusqu'à 125 km heure en traction électrique. Bon, il faut 3h15 de charge pour reprendre l'autonomie de la voiture. Et dans ce cas-là, l'auto est une... Propulsion. Ah propulsion, oui, bah oui, parce que c'est le moteur arrière, d'accord. Donc ça redevient une vraie BMW quand elle est d'accord. électrique. Oui. Ensuite, si vous faites de l'autoroute, là, le moteur électrique, vous allez fonctionner en hybride avec prédominance du moteur thermique. Mmh. Donc, c'est le moteur essence qui est à l'avant, qui va entraîner les roues. Donc là, c'est une... C'est une, comment on appelle ça? Traction. Une traction. Voilà, c'est une traction. Et si la route est glissante, les deux moteurs vont fonctionner en même temps. Ou si vous réclamez beaucoup d'accord. de puissance, ouais, ouais. les deux moteurs vont fonctionner de concert. Et là, ça devient une... Bah, 4x4. Exactement. Donc, c'est la voiture qui fait tout. Alors, quand on est avec les deux moteurs en fonctionnement, on a une puissance maxi de 224 chevaux. Donc, au final, franchement, une belle vivacité. Il n'y a pas beaucoup de monospace qui offre à la fois un comportement comme celui-là et une telle vivacité. Bon, évidemment, ça se paye. Moi, il y a un défaut que je trouve... Je vais pas dire rédhibitoire parce que c'est pas le cas, mais que je trouve dommage sur ce type de voiture. Alors déjà, BMW, quand ils nous prêtent des autos pour qu'elles soient jolies, il y a toujours des grandes roues. Vous savez que j'aime pas les grandes roues. Donc là, il y a des roues de 18 pouces. Ça dégrade un peu le confort et les sièges, franchement, ont une assise un peu ferme. Alors au global, la voiture a plutôt une suspension, pas inconfortable, mais c'est ce qu'on appellerait du confort ferme. Vous d'accord. voyez, hein oui. Et je trouve un peu dommage pour une voiture qui a une vocation familiale. Alors, l'intérêt, c'est, je vous ai dit, elle peut rouler en électrique. Et quand elle est en hybride, on a une conso qui est extrêmement mesurée également. On arrive, si on fait un petit peu de chasse au gaspillage, à 5 litres au 100, c'est-à-dire on est mieux qu'un diesel équivalent. C'est dingue. Et évidemment, on va pas parler de pollution parce que là, on est bien mieux en que revanche, les diesel équivalents. Peut-être. Ouais, et ben on est en dessous du prix d'un modèle diesel équivalent. J'ai BMW, tiens. Ouais, 38 950 euros. Ah ouais. On a 1000 euros de bonus, donc d'accord. ça fait 37 950 euros. Ouais. Et un 218D X-Drive avec boîte automatique, 150 chevaux, donc beaucoup moins puissant. Ouais. En finition Lange équivalente. Et pratiquement au même prix, à quelques euros d'accord, près. D'accord. Donc, en fait, oui. c'est beaucoup plus intéressant d'acheter ce modèle hybride rechargeable que d'acheter le diesel équivalent. D'accord. Vous voyez, on disait, les voitures hybrides rechargeables, ça va être très cher. Non, et plus chez BMW, on aurait pu s'attendre à des... Et franchement, c'est le modèle le plus polyvalent et le plus sympa de cette gamme-là. Jean-Luc, on revient dans un instant pour la deuxième partie de ce rendez-vous auto. S'assurer moins cher, est-ce que c'est possible? On vous dit oui et on vous explique comment, justement, faire des économies après la météo des infos de 9h. À tout de suite. Rejoignez les experts auto sur leur page Facebook, Votre Auto sur RMC. Petit message Peugeot en forme de remerciement. Avant toute chose, je tenais à remercier toute l'équipe Peugeot pour ce crédit exceptionnel à taux 0% sans lequel rien n'aurait été possible. Excusez-moi, c'est l'émotion. Je suis l'homme le plus heureux du monde dans ma nouvelle Peugeot. Merci. En ce moment, profitez d'un taux de crédit à 0% sur toute la gamme Peugeot. Portes ouvertes ce week-end. Crédit sur 12 mois au TAEG et taux débiteur fixe de 0% de 5 000 à 10 000 euros empruntés, soit pour 6 000 euros, 500 euros par mois sur 12 mois, total du 6 000 euros. Détails sur PeugeotAppStore.com. Pam palam, pam palam. Tu l'as vu? Où? Oh non, c'est pas vrai, je l'ai encore raté. Ne laissez pas cette offre vous passer sous le nez. Jusqu'à dimanche, chez Darty, bénéficiez de 10 euros offerts en carte cadeau par tranche de 100 euros d'achat sur tous les produits photo, multimédia, TV, son et téléphonie. Carte cadeau Darty limitée à 30 euros, utilisable du 13 août au 30 septembre 2016. Voir conditions en magasin ou sur darty.com. Jane got a gun. Si Bishop veut ta peau, c'est pas un tueur qu'il faut. C'est tout un régiment. Vous allez fouiller toute cette vallée. Je te tuerai. Nathalie Portman affronte Ewan McGregor. Un western à feu et à sang. Jane got a gun sur tous vos écrans, DVD, Blu-ray et sur MyTF1 VOD. Avec RMC. Dès que je t'ai aperçu, j'ai eu envie de toi. Tu étais si bien dessiné. Un top modèle. Avec tes 5 portes et tous tes équipements, je t'ai trouvé séduisante et pratique. Quand j'ai su qu'à partir de 7 990 euros, tu serais à moi, j'ai pensé à une blague. Et puis je t'ai essayé et je ne t'ai plus jamais quitté. Mon Opel Karl. Jusqu'au 30 juin, la nouvelle Opel Karl, désignée citadine de l'année par les trophées de l'Argus 2016, est à partir de 7 990 euros. Avantages clients déduits, conditions sur opel.fr. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. Quand les plus grands joueurs européens...

tout se passe bien, quoi. Il n'y a pas de débordement, ça fait la fête, gagnant, perdant. Hein. En tout, 35 personnes sont donc blessées, 8 ont été interpellées. Puis hier soir, il n'y avait pas qu'à Marseille que la violence s'est exprimée. À Nice également, de jeunes niçois sont allés provoquer des supporters irlandais. 7 personnes ont été blessées. Le hooliganisme, c'était l'une des craintes du gouvernement dans l'organisation de l'Euro. Il n'aura fallu qu'une journée donc pour voir les premiers débordements. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Pierre-Henri Brandet, dément malgré tout toute faille dans l'organisation des forces de l'ordre. On ne peut pas parler de manquement ou de manque d'anticipation dans ce qui s'est passé. Il y avait un dispositif qui était un dispositif conséquent. Maintenant, la plupart des individus qui étaient là hier à Marseille sont des personnes qui étaient totalement inconnues des services de police ou de renseignement étrangers. Il va falloir bien évidemment tirer les conséquences et les enseignements de ce qui s'est passé, peut-être prendre des mesures complémentaires, notamment ce qui concerne la vente d'alcool dans certains périmètres ou dans certaines zones, les jours ou la veille de match. Malheureusement, le football est encore malade d'une partie de ses supporters. Depuis 30 ans, en marge de toutes les compétitions internationales, il y a ce genre d'affrontement. Pierre-Henri Brandet, joint ce matin par Anaïs Sens. Affrontement hier, faut-il en craindre d'autres aujourd'hui? Un match à risque, 15h au Parc des Princes à Paris. La Turquie affronte la Croatie avec de vrais risques, Georges Quérino. Oui, le dispositif de sécurité initialement prévu a même été renforcé ces derniers jours. 1000 policiers, 1100 stadiers seront au Parc des Princes pour entourer 10 000 Croates, près de 15 000 Turcs. Les supporters des deux pays ne devraient pas se croiser. Alors pourquoi des craintes? Lors de leur dernière opposition à l'Euro il y a 8 ans, des affrontements avaient éclaté en marge du match. La fédération croate avait aussi été condamnée à verser une amende en raison de comportements et banderoles racistes observés dans le stade. Pour les retrouvailles, le sélectionneur croate Ante Kasic est inquiet. On écoutera des risques de côté. Les Croates savent supporter leur sélection. Ce qui pose problème, je les appelle les anti-Croaties. Et le capitaine Dario Cerna, lui, a appelé les supporters à rester corrects. Les précisions de Georges Quérino. Alors, l'Euro de football, c'est aussi du football. Et oui, sur la pelouse, les Anglais n'ont fait que match nul, un partout face à la Russie. Hier, le Pays de Galles a battu la Slovaquie 2-1. Et puis, les deux prochains adversaires des Bleus s'affrontaient hier. La Suisse a gagné 1-0 contre l'Albanie. L'équipe de France, de retour à l'entraînement hier, au lendemain de sa victoire face à la Roumanie. Des Bleus qui ont pu refaire le match et constater leur lacune. Il y avait la pression, mais pas que, selon Adil Rami. Faut pas oublier qu'on est tombé contre une bonne équipe de la Roumanie qui a aussi bien joué. On n'a pas démérité non plus. On va pas tout mettre sur la pelouse du Stade de France, mais elle est pas non plus à la hauteur de l'engouement des Français. Voilà, c'était un match vraiment compliqué à jouer. On a eu nos moments forts, nos moments faibles. Et le plus important, c'est de sortir avec la victoire. Et j'espère que grâce à cette victoire, on va pouvoir être plus soulagé et jouer plus notre football. Adil Rami au micro de Jérôme Sillon aujourd'hui. Outre le Turquie-Croatie, deux autres rencontres, Pologne-Irlande. Et puis ce soir, les champions du monde, les Allemands, entrent dans la compétition. Ils affrontent l'Ukraine. Des Allemands qui, forcément, seront dangereux, encore une fois, pour Jean-Michel Larquet. Probablement redoutable, mais sans doute se posant elle aussi des questions, parce qu'il y a des joueurs majeurs qui sont absents depuis le titre de la Coupe du Monde. C'est une équipe qui a plus d'incertitudes que de certitudes. Mais enfin, on connaît le potentiel, il y a des joueurs de qualité, des joueurs de valeur, et incontestablement, il reste l'une des équipes favorites de cet Euro. Voilà l'avis de Jean-Michel Larquet, coup d'envoi 21h. Il est 9h04 sur RMC, le gouvernement misait sur un essoufflement tactique qui semble payer ce week-end le mouvement de contestation à la loi travail, avec la principale raffinerie du pays qui a voté la reprise du travail hier. La politique ce week-end, ce sont également les écolos qui cherchent un nouveau souffle. Congrès national hier d'Europe Écologie Les Verts. David Cormand, élu secrétaire national, met dans toutes les têtes la prochaine élection présidentielle évidemment. Qui, comme candidat écologiste, Nicolas Hulot, de plus en plus populaire, Cécile Duflot, également sur les rangs, mais il n'y aura pas d'affrontement virulent, explique l'ancienne ministre. Non, il n'y aura pas de déchirement, c'est impossible. Je ne m'affronterai jamais avec Nicolas Hulot. Chercher dans ma bouche une attaque contre un écologiste depuis des années, je ne l'ai jamais fait, donc je ne vais pas commencer aujourd'hui. Il y a une chose certaine pour moi, c'est que j'ai été spectatrice assise au premier rang de la primaire des écologistes de 2011 et du massacre que ça a donné. Et plus jamais je ne revivrai ça. Et encore davantage si j'en suis actrice. Voilà. Cécile Duflot au micro de Claire Checaglini. Marche blanche pleine d'émotions aujourd'hui dans les rues de Saint-Denis en Île-de-France. France. Marche blanche en mémoire des victimes de plusieurs incendies d'immeubles survenus en quelques jours. Le dernier a tué 5 personnes. Lundi dernier, marche de colère aussi, Marion Dubreuil. Les riverains ont déposé des gerbes de fleurs au pied de l'immeuble incendié. Vanessa, une voisine, ravale difficilement ses larmes. C'est toute une famille qui est partie. On est complètement bouleversés. C'est intolérable. Le gérant du bar situé à l'angle de la rue a le cœur serré. Tout

Ah ouais, je sais pas si vous pouvez vous assurer. Alors, pour une voiture qui remonte dans le temps, c'est possible mais, ou pas? Mais c'est ce que j'allais dire. Est-ce que votre carte verte, elle est valable si vous allez dans le futur? Ouais, je suis pas ah sûr. Ouais, parce que elle a une date de validité. Oui, elle a une date de validité de bien sûr. Un an. Donc, si vous déplacez 10 ans dans le futur, vous n'êtes plus assuré. En revanche, on peut aller dans le passé sans problème. Alors, si vous êtes plus assuré parce que vous allez dans le futur avec votre voiture et que vous avez un accident, ça se passe comment? Vous savez quoi? On va essayer de poser, poser la question à François avant Werner. Avant d'accueillir nos invités, sachez que on attaque notre deuxième partie dédiée à l'automobile. Tout à l'heure, on va vous faire découvrir un nouveau service inédit en France qui a été annoncé cette semaine, qui s'appelle Avatacar et qui va chouchouter votre voiture sans que vous ayez quoi que ce soit à faire. Ils viennent chez vous directement. Ils viennent chez vous, ils ça, prennent votre cool. voiture, ils l'emmènent, voilà. Ils la détruisent et puis ils viennent chez pas, vous. Ils la chouchoutent. Exactement. Et ils font en fait tout ce que font un garagiste, mais devant non, chez vous. Alors en fait. Ils font pas tout ce que fait un garagiste, ils font l'entretien courant. C'est si pas mal êtes, déjà. Si vous êtes en panne, ils ah pourront oui. pas vous dépanner voilà. chez vous. Voilà. Et puis notre rendez-vous avec automoto.com, comme chaque semaine, vous savez, on a élaboré un partenariat avec automoto.com et chaque semaine, on fait un point sur toute l'actualité de ces derniers jours dans le monde de l'automobile. On parlera des restrictions de circulation qui arrivent à Paris. Ah, la Fuego, voilà. Ça lui pend au nez l'interdiction de circuler, vous êtes au courant? Oui, mais je pense qu'elle est tellement belle cette voiture qu'il y aura des dérogations. Ah, une dérogation spéciale Fuego. Mais auparavant, on va parler assurance. Est-ce qu'il est possible de s'assurer moins cher aujourd'hui, Jean-Luc? Oui, exactement. Puis avant de s'assurer moins cher, on va voir déjà où en sont les Français en matière d'assurance, puisqu'il y a quand même quelque chose d'assez alarmant, c'est que de plus en plus de personnes roulent sans assurance. Alors, on a avec nous François Werner pour en parler, qui est directeur général du Fonds de garantie des assurances obligatoires. Bonjour François Werner. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est déjà que le Fonds de garantie des assurances obligatoires? Alors, c'est d'abord protéger les victimes de la route. Donc, l'idée, c'est que si quelqu'un est victime d'un accident causé par un auteur non assuré, eh bien, au moins, la personne est sûre d'être indemnisée. Donc, nous indemnisons la victime et puis évidemment derrière nous nous retournons vers le responsable et on lui demande de prendre en charge les conséquences de son acte. Alors, que risque-t-on à rouler sans assurance quand même? Alors on risque des sanctions pénales bien sûr, hein, on risque une forte amende et puis on risque la décision du juge qui peut être de confisquer le véhicule et de suspendre le permis de conduire, mais le risque principal c'est simplement de provoquer un accident et derrière ça d'avoir à en supporter toutes les conséquences financières. Ouais, pendant toute sa vie si effectivement on a en plus rendu il y a des dommages voilà, physiques là c'est catastrophique. Bon. Tout à fait. Et malgré tous ces risques-là, on se rend compte qu'il y a un nombre d'automobilistes de plus en plus grand qui roulent sans assurance. En tout cas, c'est ce que reflètent les chiffres des accidents de personnes non assurées que vous enregistrez, parce que la progression, enfin depuis 2009, le chiffre hallucinant, plus 40% quand même. Oui, malheureusement, tout indique que la France n'est pas un très bon élève. Hein, donc on voit baisser les accidents corporels depuis maintenant un certain temps. Et comme nous voyons augmenter ceux que nous avons à prendre en charge, on peut assez facilement en conclure que le nombre de conducteurs qui roulent dans des véhicules non assurés augmente. Il y a combien de dossiers qui ont été traités l'an passé ? Alors l'an passé, on a traité 28 000 dossiers, hein, donc c'est quand même conséquent, ouais. C'est beaucoup. Et là-dedans, il y a plusieurs milliers de victimes d'accidents corporels. Comment on peut expliquer le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui roulent non assurées? C'est trop cher? C'est lié à la crise? C'est lié à quoi? Alors, on a évidemment essayé d'approcher un peu le phénomène. Nous, ce qu'on voit, c'est effectivement plus de gens qui sont non assurés parce qu'ils n'ont pas payé leur prime d'assurance. Donc, il y a sans doute un certain phénomène économique, mais qui se double aussi d'une population qui, elle, est tout à fait réfractaire, je dirais, à l'ensemble des règles de la sécurité routière, qui est très souvent non seulement sans assurance, mais aussi sans permis, et qui a plusieurs accidents, plusieurs faits de délinquance à son actif. Ouais, alors c'est le paradoxe, hein, c'est que quand on roule sans assurance, le bon sens voudrait qu'on essaye de pas avoir d'accident, justement, puisqu'on n'est pas assuré, et on se rend compte que les gens non assurés, en fait, se révèlent plus dangereux que les autres. C'est absolument fou. Alors oui, là on peut le dire assez simplement, puisque on approche le phénomène de la non-assurance, je dirais, entre 1 et 2% des véhicules en circulation, ce qui est déjà beaucoup, hein, ça fait jusqu'à 750 000 pour les 4 roues. Et dans le même temps, les accidents que nous prenons en charge représentent presque 6% des accidents corporels. Donc on voit bien qu'il y a un certain nombre, en tout cas des conducteurs non assurés, qui sont très dangereux. Peut-être pas tous, mais certains. Alors vous préconisez depuis plusieurs années déjà la création d'un répertoire centralisé qui rapprocherait en fait les véhicules immatriculés des contrats d'assurance pour que on ne puisse pas avoir par exemple 15 voitures et une seule assurée ou alors un véhicule et pas d'assurance du tout. Oui, c'est un petit peu le bon sens, c'est non seulement le bon sens, mais aussi ce que tous nos voisins européens, sans exception, ont mis en place. C'est simplement de pouvoir, en amont, donc avant ces accidents, avant ces drames humains, aussi bien pour la victime que pour le conducteur, de pouvoir détecter quel véhicule roule sans assurance et sensibiliser le conducteur au risque qu'il prend. Et pourquoi la France ne le fait pas? Vous dites tous les pays européens le font et pas la France, pourquoi on l'a pas fait, nous? Alors il y avait toute une série de bonnes raisons qu'on a beaucoup travaillé à faire tomber il nous semblait que c'était plus intéressant de le réaliser par consensus et donc les pouvoirs publics, les assureurs se sont progressivement rendus compte de l'utilité de cet outil en particulier pour la sécurité routière. Oui, parce qu'il faut peut-être préciser quand même que le fonds de garantie des assurances obligatoires, c'est pas de l'argent qui tombe du ciel, c'est quelque chose que nous payons tous, enfin tous ceux qui sont assurés payent pour ce fonds de garantie, ça nous coûte combien ? Alors aujourd'hui, la charge de la conduite sans assurance, c'est presque 100 millions d'euros par an. Et si on va sur le coût pour chaque personne qui a un contrat de responsabilité civile automobile, donc pratiquement tout le monde, paye une somme d'environ 2 euros pour cette activité. Oui, voilà, c'est ça. Donc franchement, on pourrait s'en dispenser. Bon. Merci beaucoup François Werner pour toutes ces précautions. Et précisions même. Voilà, ces précautions. Ces précisions et le fait de se dire que voilà, peut-être qu'il y a des auditeurs qui roulent sans assurance et qui ne se rendent pas compte là des conséquences que ça peut avoir en cas de pépin. Peut-être ça les fera changer d'avis. Voilà, d'autant qu'aujourd'hui, on peut quand même trouver. Alors, la France, comme je disais dans la présentation de cette émission, n'est pas un pays très cher en matière d'assurance. On en parle dans un instant. Et on peut encore faire des économies grâce à la loi Hamon. Et on va expliquer tout ce que c'est dans un instant. Le directeur général du site effuré.com sera avec nous, Hamid Benamara. Et bien sûr, vous pourrez. un point partout. Benamara, j'ai dit parfaitement. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord. Et évidemment, vous pouvez nous joindre au 3216 ou auto@rmc.fr. À tout de suite. Rejoignez les experts auto sur leur page Facebook, Votre Auto sur RMC. L'UEFA Euro 2016, c'est sur RMC que ça se passe. Aujourd'hui à 15h, Turquie-Croatie, 18h, Pologne-Irlande du Nord et à 21h, Allemagne-Ukraine. RMC numéro 1 sur l'UEFA Euro 2016. Toute la passion du foot avec Oscaro.com, numéro 1 des pièces auto-neuves et d'origine sur Internet. Bon, pour ma voiture, j'ai... Alors, si je peux me permettre, on n'a pas de Tourolf, de Golfinel, de Tiguaran, de Pololf, ni de Passaran, ni de Tigolf, et on n'a pas non plus de Toussat. Ah, pas de Toussat ? Non. Bon, de toute façon, j'ai toujours préféré le Chassat. Le plus dur, c'est de choisir. Jusqu'au 12 juin, bénéficiez d'un crédit à 0% sur toute la gamme Volkswagen. Pour 15 000 euros empruntés, 1 500 euros d'apport, 36 mensualités de 416,67 euros, montant total du 15 000 euros. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, détails sur Volkswagen.fr. Portes ouvertes les 11 et 12 juin selon autorisation et réseaux participants. Antoine Griezmann et Fabien Galthié. Nous, rugby, le ballon, on l'aime, on le protège, on le fait vivre. Bah nous, au foot, le ballon, on le trouve chez Sport 2000. Regarde, c'est pas beau ça? Ah, subjugant. Jusqu'au 19 juin chez Sport 2000, le ballon France est à moins 50%, soit 9,95€. Sport 2000, ça match. Conditions sur sport2000.fr. Petit message Peugeot en forme de remerciement. Avant toute chose, je tenais à remercier toute l'équipe Peugeot pour ce crédit exceptionnel à taux 0% sans lequel rien n'aurait été possible. Excusez-moi, c'est l'émotion. Je suis l'homme le plus heureux du monde dans ma nouvelle Peugeot. Merci. En ce moment, profitez d'un taux de crédit à 0% sur toute la gamme Peugeot. Portes ouvertes ce week-end. Crédit sur 12 mois au TAEG et taux débiteur fixe de 0% de 5 000 à 10 000 euros empruntés, soit pour 6 000 euros, 500 euros par mois sur 12 mois, total du 6 000 euros. Détails sur PeugeotWebstore.com. Oh là là là là, la zone anti-vichère est chez Intermarché pour encore une semaine. Eh oui, tentez de gagner deux places pour la finale de l'UEFA Euro 2016 avec Coca-Cola en faisant vos courses chez Intermarché. Oh, ça c'est du cadeau qui va droit au but, venez vite jouer. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Règlement du jeu, modalités et magasins participants sur intermarché.com du 24 mai au 12 juin. Kia. Voilà, les premières surprises de l'Euro entrent en jeu. Oui, ce sont les séries limitées Kia UEFA Euro 2016 suréquipées. Ah, quelle allure avec leur jante alliage. Oh, le public s'enflamme. Climatisation automatique, navigation avec caméra de recul, Bluetooth. Oh, les séries limitées Kia Euro 2016 font un gros pressing sur les prix. Et avec la garantie 7 ans Kia, les adversaires sont débordés. Découvrez-les vite aux portes ouvertes Kia du 10 au 12 juin. Kia, le seul constructeur à garantir tous ses modèles 7 ans. Conditions des offres et de garantie sur Kia.com. RMC, le week-end des experts. Votre auto, François Sorel, Jean-Luc Moreau. Le retour du week-end des experts d'automobile, bon, on l'a bien compris, non seulement c'est pas bien de rouler sans assurance, mais en plus les conséquences... Mais c'est interdit, c'est pas que c'est pas bien, non, c'est juste que c'est illégal de rouler sans assurance. Ce que je veux dire par là, Jean-Luc Moreau, c'est que on se rend compte, là, avec ce qu'on a écouté tout à l'heure, des conséquences que ça peut avoir, ne serait-ce que sur sa vie. Voilà, et on a un accident, voilà, on va payer toute sa vie au cas où on n'est pas assuré. Maintenant, Jean-Luc, on va essayer non seulement de s'assurer, mais s'assurer sans trop se ruiner. Oui, on a essayé. Exactement. Alors, il y a une loi nouvelle, enfin déjà elle a un petit peu plus d'un an maintenant, mais qui s'appelle la loi sur la consommation, qu'on appelle la loi Hamon, qui permet d'instaurer une nouvelle règle. Qui permet en fait de résilier plus facilement son assurance. Et pour en parler, on a avec nous Hamid Benamara. Bonjour Hamid. Bonjour à vous. Bonjour. Bravo pour la prononciation. Ouais, non, merci Hamid. On était en antenne, on devrait pas vous en parler, mais on disait Benabara, ça sera plus facile à dire pour la prochaine fois. Si vous pouvez faire changer votre nom, ça nous arrangerait. Non, je le confirme, vous pouvez dire Hamid, ce sera beaucoup plus simple. Bon, alors expliquez-nous. Vous êtes directeur général du site lesfurets.com, qui est un comparateur d'assurance. Exactement. Hein, mais avant de parler comparaison d'assurance pour savoir combien on peut gagner, alors cette loi Hamon, c'est quoi exactement? Elle est entrée en vigueur quand d'ailleurs? Alors, la loi Hamon, elle est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2015 et c'est très simple. C'est une loi qui permet, pour ce qui concerne les assurances auto, mais aussi habitation et deux roues, de résilier son assurance à tout moment, sans frais, ni justification, ni pénalité, après un an d'engagement. Voilà, donc c'est très simple. Vous êtes engagé pendant un an et après un an, vous pouvez changer quand vous voulez. Et il y a un point qui est... Pardon. Oui, mais il y a un point qui est important, c'est que vous n'avez pas à faire la démarche de résiliation de l'assurance, c'est ça? C'est exactement ça. C'est la fin de la paperasse administrative, car c'est au nouvel assureur de se charger des démarches de résiliation auprès de l'ancien assureur. Donc vous voulez changer, vous trouvez un nouvel assureur, vous lui dites « je veux changer ». Vous lui fournissez tous les renseignements qu'il réclame, bien évidemment. Voilà, donc la carte grise, votre permis, par exemple. Voilà. Et puis, il va se charger de collecter notamment un document qui était assez pénible à récupérer, qui est le relevé d'information. Et il va entrer en contact avec votre ancien assureur et il va s'occuper de tout. Donc, c'est une disposition qui est quand même extrêmement appréciable pour le consommateur et qui simplifie la vie. Et comme je le disais, plus de paperasse administrative, c'est géré pour votre compte. Et ça offre beaucoup de flexibilité et c'est non seulement une vraie avancée pour le consommateur parce que ça redonne de la liberté et puis c'est une vraie potentielle en tout cas pour parce certains. Alors le paradoxe, c'est que même s'il n'y a pas de paperasserie à faire, les Français se sont pas réellement servis de cette loi pour faire jouer la concurrence. Alors c'est vrai, on a fait une étude avec Odoxa en octobre 2015 pour mesurer finalement l'utilisation et l'efficacité de cette loi. Alors on a tiré quelques constats de cette étude. Le premier, c'est que deux tiers des Français ont entendu parler de cette loi. Donc ce qui est plutôt pas mal pour une loi quand on la compare à d'autres. Mais quand on leur demande dans le détail ce qu'elle permet, seulement un quart était clair. Et ce qu'on sait également, c'est qu'en 2015, 10% des Français ont utilisé cette loi pour changer d'assurance. Et puis, un élément intéressant, surtout pour une loi qui est relativement jeune, c'est que 40% des Français déclarent avoir l'intention de se renseigner sur des assureurs concurrents. Donc c'est assez normal, il y a une loi qui est relativement jeune, qui est rentrée en vigueur au 1er janvier 2015, qui était une année de transition, et puis elle va monter en puissance et on constate aujourd'hui que de plus en plus de Français l'utilisent et que le taux de résiliation, en tout cas ce qu'on appelle le churn, est en train d'augmenter progressivement. Il a augmenté de 8%, pas 8 points, 8% en 2015, plutôt, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal sur une nouvelle loi, et sachant que cette hausse était particulièrement concentrée sur la fin de l'année 2015. Donc ça laisse augurer une évolution plus importante en 2016. Donc les Français, en résumé, ont entendu parler de cette loi et sont de plus en plus nombreux à l'utiliser. Et voilà. Et alors, le premier qui l'a utilisé, c'est moi. Je m'en suis servi en fin d'année. Très bien. Et je vous le dis, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Le fait est qu'il y a beaucoup moins de paperasserie à faire qu'autrefois. Alors, faut quand même préciser une chose. On peut pas résilier son assurance si on n'a pas un nouvel assureur. C'est-à-dire, vous pouvez pas dire, j'arrête et j'en cherche un autre. Faut d'abord en chercher un. Oui. Et c'est lui qui va résilier votre contrat et faire le transfert. Alors je vous dis tout de suite combien j'ai gagné moi, et on en parle après, puisqu'il y a plein de possibilités. J'ai gagné 30% sur mon assurance à assurance équivalente. Comme ça, d'un claquement de doigts, simplement changeant d'assureur. En ayant les mêmes garanties. Bon, ça m'a pris 2 heures au total, le temps d'aller sur internet voir 2-3 propositions d'autres assureurs, et ensuite j'ai rempli les papiers. Alors comme vous avez 0% de bonus, que vous avez 10 000 euros d'assurance par an, vous avez économisé 3 000 euros. Oui, quand même, c'est quand même pas mal. Ah, hein. Amil, qu'est-ce que vous en pensez? Donc je suis très déçu, vous auriez dû utiliser lesfurets.com, vous auriez eu 34%. Non, je suis pas surpris par le chiffre. Plus sérieusement, nous, c'est l'économie moyenne que l'on constate, c'est 34% et 234 euros d'économie en moyenne à garantie équivalente. Et vous avez dit un point très important, c'est il ne faut pas dégrader ces garanties pour faire des économies. On peut avoir un contrat qui est aussi couvrant, qui présente les mêmes garanties et les mêmes services, pour un prix inférieur. Et ça, il faut attirer l'attention des auditeurs sur ce point-là. Il faut pas, faut quand même faire attention à ce qu'on achète. Quand on a un sinistre, c'est là qu'on se rend compte de la qualité de son assurance. Et il faut dire aux Français, soyez vigilants sur ce que vous achetez, mais soyez bien conscients que, un, vous pouvez faire des économies substantielles sur votre contrat d'assurance auto en conservant la même protection, et deux, c'est la fin du calvaire administratif. Le législateur vous offre une possibilité de changer de façon très simple. Et ça, c'est des enseignements. Amil, vous restez avec nous. Oui, on va prendre des exemples concrets. Oui. Hein, dans un instant, après la météo, les infos de 9h30 sur RMC, on parle assurance auto ce matin. À tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre auto. Bonjour patron. Oh bah dites donc, vous avez pris un peu, non? Mais enfin Berthier, vous vous sentez bien? Ah oui, très très bien. On se sent très très bien au volant d'une Citroën avec un an d'assurance offert. Dépêchez-vous du 10 au 20 juin avec Citroën Assurance. Votre première année d'assurance est offerte sur toute la gamme Citroën. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. Citroën. Hors vitamine et véhicules électriques soumis à conditions sous réserve d'acceptation de l'assureur dans les points de vente participants. Conditions de l'offre détaillées sur citroën-assurance.fr. Quand les plus grands joueurs européens rencontrent la meilleure compagnie aérienne d'Europe. C'est avec fierté que nous sommes sponsors de l'Euro 2016. Vous êtes passionné de foot et vous soutenez l'équipe de France? Prenez une photo, partagez-la avec le hashtag EuropeBest et tentez de gagner votre place pour assister à un match de la France. Turkish Airlines. Sir Edwards, Sir of Scotland. La légende raconte que Sir Edwards aurait été un Écossais riche et complexe, et qu'il aurait été issu d'un assemblage minutieux des meilleurs grains. Ou bien, est-ce le whisky Sir Edwards? Sir Edwards, Sir of Scotland. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Dès que je t'ai aperçu, j'ai eu envie de toi. Tu étais si bien dessiné, un top modèle. Avec tes 5 portes et tous tes équipements, je t'ai trouvé séduisante et pratique. Quand j'ai su qu'à partir de 7 990 euros, tu serais à moi, j'ai pensé à une blague. Et puis je t'ai essayé et je ne t'ai plus jamais quitté. Mon Opel Karl. Jusqu'au 30 juin, la nouvelle Opel Karl, désignée citadine de l'année par les trophées de l'Argus 2016, est à partir de 7 990 euros. Avantages clients déduits, conditions sur opel.fr. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. C'est l'heure de la météo maintenant sur RMC. La météo de votre week-end avec Valentin Mailleux. Bonjour Valentin. Ah, bonjour François, bonjour à tous. Un dimanche encore sous la pluie au nord, mais ensoleillé au sud. Alors dans le détail, au nord-est, ce matin, toujours des averses fréquentes de l'Alsace jusqu'en Bourgogne. Il pleut aussi sur tout le nord-ouest, entre la Bretagne, les Pays de la Loire et la Normandie. Au fil de la journée, les averses vont arriver sur le nord, l'Île-de-France et le centre, avec même des orages localement. Au sud, par contre, on profite encore du beau temps. Il y aura du vent quand même qui soufflera jusqu'à 80 km/h près de la Méditerranée. Les températures cet après-midi encore en baisse. 18 degrés à Brest, 19 pour Lille et Paris, 20 degrés à Clermont-Ferrand, 21 degrés pour Strasbourg, Bordeaux et Nantes, 22 à Lyon, 23 degrés pour Toulouse, 27 à Perpignan et 28 degrés à Marseille. Profitez d'un moment de détente avec piscine-hydrosud.fr, site internet et magasin spécialiste de la piscine. RMC 9h30, un point sur l'actualité avec Thomas Chupin. Thomas, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. Le hooliganisme au cœur de Marseille, scène de violence insupportable hier avant la rencontre de l'Euro entre l'Angleterre et la Russie, des centaines de pseudo-supporters face à face, 35 blessés, principalement des Anglais, 4 le sont grièvement et un Anglais ce matin entre la vie et la mort. Hier soir, Bernard Cazeneuve tenait une réunion d'urgence au ministère de l'Intérieur pour prendre des mesures, notamment d'expulsion de supporters identifiés hier à Marseille. L'Euro de football sur le terrain et les Anglais qui n'ont fait que match nul hier soir, un partout face à la Russie, victoire du Pays de Galles 2-1 contre la Slovaquie et puis dans le groupe de la France, la Suisse a battu l'Albanie 1-0. Aujourd'hui, nouveau match classé à haut risque, c'est au Parc des Princes à Paris, Turquie, Croatie, face à face ensuite entre la Pologne et l'Irlande. Enfin ce soir, le champion du monde, l'Allemagne, affronte l'Ukraine. Le reste de l'actualité avec l'épuisement vraisemblablement du mouvement de contestation à la loi travail. La plus grande raffinerie de France à Gonfreville a voté la fin de la grève hier. Le patron de la CGT, Philippe Martinez, pronostique, lui, malgré tout, une manifestation monstre mardi prochain. 9e rassemblement unitaire contre la loi El Khomri. Un pompier sérieusement blessé hier au sein même de sa caserne. Cela s'est passé dans la Creuse. L'adjudant-chef est revenu tard dans sa caserne alors que des cambrioleurs étaient à l'action. Le pompier a reçu des coups de cutter au visage, un coup de couteau dans le ventre. Ses jours ne sont pas en danger. Et puis le château de Versailles aura-t-il acheté pour 2,5 millions d'euros de faux meubles, escroquerie de marchands d'art révélée hier avec l'interpellation cette semaine de 3 professionnels. Le château aurait fait l'acquisition de meubles présumés venant du 18e siècle alors qu'ils ont été fabriqués il y a quelques années seulement. 9h32 sur RMC. Votre auto, Jean-Luc Moreau et François Sorel. RMC, le week-end des experts, 8h-10h, votre auto, François Sorel, Jean-Luc Moreau. Le retour du week-end des experts et l'automobile, on a encore une petite demi-heure à passer ensemble. On va retrouver tout à l'heure la rédaction d'automoto.com, on va retrouver aussi, on va vous faire découvrir un nouveau service dans quelques minutes. Avatarcar.com. Exactement, on aura Magali Massa avec nous qui va tout nous expliquer. C'est voilà. La fondatrice d'Avatar.com qui n'est pas une petite start-up qui sort comme ça. Vous allez voir que la famille de cette jeune dame a un historique dans l'automobile qui est, voilà, qui est assez respectable. Qui est conséquent, donc on peut faire confiance à ces gens-là. Mais dans l'immédiat, Jean-Luc, avec Hamid Benamara qui est avec nous, le directeur général du site lefuret.com, on évoque le montant des assurances qu'on peut faire, ouais, enfin, en tout cas des économies, le gain qu'on peut faire en changeant simplement d'assurance auto. Exactement. Justement, Amine nous disait constater 34% en moyenne d'économies sur des assurances. Alors c'est bien maintenant de parler de pourcentage, mais c'est bien aussi d'avoir des exemples concrets. Amine, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple concret aux auditeurs? Alors, je vous en propose deux, trois, si vous voulez. Ouais, alors, on peut regarder. Par exemple, on prend un célibataire, 32 ans, qui vit à Paris, il a une 208. Et il dit, je veux m'assurer tout risque. Alors, quand il va sur le marché, alors, je ne veux pas effrayer les auditeurs, mais ça donne une idée de ce qu'est ce marché. Quand on fait une simulation, alors on a pris 7-8 assureurs et qui présentent des profils assez différents, eh bien, sa prime peut varier de 373 € à 1483 € en fonction de l'assureur qu'il va choisir. Et on a essayé d'être cohérent dans les sujets de franchise, etc. Mais ça montre la disparité. Si on prend quelqu'un qui est père de famille, deux enfants, une voiture familiale, il a quelques déplacements professionnels. Lui, il a un bon bonus 50, il a une Renault Scénic, il a 42 ans. Sa prime va osciller entre 245 et 529 €, du simple double, selon l'assureur qu'on va choisir. Oui, c'est quand même moins le grand écart que le premier exemple. C'est une notion de risque. Les assureurs vont considérer que quelqu'un qui a un bonus 50, père de famille, qui vit en province, eh bien... Il présente un risque moins grand qu'un Parisien qui sort de boîte de nuit un petit peu gondolé un jour sur deux. Ouais. Je laisse la paternité du propos, mais la notion de risque, je suis d'accord. C'est exactement ce qui va conduire, en tout cas ce qui va influencer la tarification. Et puis, quand on a quelqu'un qui est dans le même profil, plus âgé, on a pris quelqu'un qui a 55 ans, qui n'a plus d'enfants à charge, qui vit à la campagne, qui a une kangou, lui, ça va varier entre 260 et 600 €. Donc, on reste sur... Il y a franchement des économies très substantielles à faire sur les tarifs d'assurance. Alors, comment vous expliquez que notre propre assureur, quand on est depuis longtemps chez un assureur, ne nous fasse pas de contre-propositions ou de propositions de baisse de tarifs, surtout si on a un client fidèle. On a vraiment l'impression qu'ils dépensent beaucoup d'argent pour aller à la pêche, mais qu'ils dépensent pas d'argent pour garder leurs clients, alors que ça coûte quand même moins cher de garder un client que d'essayer d'aller en voler un aux autres assureurs. Ben c'est plein de bon sens ce que vous dites, c'est quelque chose qui nous a toujours frappé. Je pense qu'en France, avant la loi Hamon, il y avait quand même une très grande stabilité des portefeuilles, et finalement les assureurs n'avaient pas vraiment d'efforts à faire, et surtout ils n'avaient pas à récompenser la fidélité et la loyauté. Je pense que la loi Hamon a apporté un élément nouveau, et à rééquilibrer la relation, et aujourd'hui les assurés ont plus de pouvoir, donc c'est un électrochoc pour les assureurs qui se disent mon client il est pas acquis, il va pas rester indéfiniment chez moi, donc il faut que j'en prenne soin. On est en train de vivre ce qu'on a vécu avec les opérateurs télécoms finalement. C'est un excellent parallèle, c'est exactement ça. Je pense que quand la portabilité du numéro est intervenue et que l'environnement législatif a évolué avec la loi Châtel notamment aussi exactement, et le consommateur ou en tout cas le client est redevenu au centre des préoccupations, c'est ce qui se passe aussi dans l'assurance. Donc les auditeurs doivent savoir que leur fidélité n'a pas été récompensée jusqu'ici, et surtout il y a un élément que nous on constate sur les utilisateurs de nos services, c'est que plus vous détenez votre contrat d'assurance depuis longtemps, plus le potentiel d'économie est important. Quand vous avez un contrat qui a un an, le potentiel d'économie va être assez faible, il faut le reconnaître. En revanche, si vous le détenez depuis plus de 3 ans, on observe des économies qui sont extrêmement significatives. On avait un exemple récent de quelqu'un qui avait une Audi A3, qui est assuré tout risque. Il est assuré chez un assureur connu. Il payait 1 480 € de prime annuelle. Et en utilisant nos services et en choisissant un autre assureur, avec des garanties supplémentaires, il paie 785 €. Donc c'est quand même très significatif, parce que cette personne détenait son contrat depuis 5 ans chez le même assureur. D'accord. Et vous parlez, vous dites en utilisant nos services, alors les comparateurs d'assurance aujourd'hui, quelle position ils ont depuis l'introduction de la loi Hamon ? Est-ce que ça a dopé le nombre de visites sur votre site ? Non, très clairement, il y a eu un effet bénéfique en toute transparence et c'est clair, on s'y attendait d'ailleurs. Mais au-delà de la loi Hamon, même un peu avant l'introduction de la loi Hamon, ce qu'on voyait, ce qu'on observait, c'était une augmentation croissante du trafic sur notre site pour une raison assez simple, c'est que on est un lieu unique, on compare en 7 minutes des centaines d'offres d'assurance. Donc il y a une valeur ajoutée dans le service que nous proposons, et puis on essaie de faire quelque chose qui est notre ADN depuis le début, c'est simplifier la comparaison et l'achat d'assurance, en mettant en évidence les points importants des contrats de façon très claire, de façon très simple, parce que c'est un produit complexe. Et nous, notre travail, grâce à la technologie, on arrive à présenter les chiffres de façon simple, et surtout, on met en avant les garanties et les services qui sont associés au contrat. On ne veut pas des contrats qui sont pauvres et qui sont très attractifs au niveau tarifaire. Il faut un bon équilibre entre les deux, et le fait d'apporter de la transparence, de la simplicité, fait que on apporte de la valeur ajoutée et nos services sont appréciés des utilisateurs. Ouais, vous pensez que François, qui paye pas loin de 10 000 euros pour la fouet gauche... Copieur de vanne. Vous êtes un copieur de vanne, Jean-Luc, et c'est pas beau. Aux assurances blindards, il peut faire une économie en venant chez vous. La fouet gauche est toujours là, je pensais qu'il fallait se débarrasser. Annie, faites attention, nous avons de bonnes relations, pour l'instant cordiales. Ne dites pas de mal concernant la fouet gauche. Hein. Non, je respecte la fouet. Et puis je suis le seul, et je vous rappelle que je suis le seul à avoir bien prononcé votre nom, accessoirement. Oui, c'est vrai. Faites attention. On appelait la fouet gauche la Porsche française dans les années 80. Oui, enfin bon, attendez, la Porscherie, oui. très bien. Ben, merci pour toutes ces précisions, Hamid. Rappelons lesfurets.com. Lesfurets.com. Si, simplement pour s'amuser, ça prend quelques minutes. 34% voilà. D'économie moyenne, vous rendez ça compte. Ça peut être rigolo. Mais surtout, après, il faut bien comparer à garantie équivalente. Hein. Oui, voilà. Exactement. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup, Hamid. Merci Hamid. À vous. À très bientôt. Au revoir. Bon, Jean-Luc, maintenant qu'on est Maintenant que vous êtes assuré. Vous êtes assuré et rassuré, il va falloir faire rouler la Fuego. Il va falloir faire une vidange. Parce je ne sais pas si notre invité connaît la Fuego. Je ne sais pas. Je pense qu'elle n'était pas née quand la Fuego est sortie. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais. Magali Massa est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour François. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Magali. Alors, on parle cette semaine d'un pas tout à fait nouveau, mais d'un service que vous relancez qui s'appelle avatacar.com. Alors, qu'est-ce que c'est qu'avatacar.com déjà ? Alors, avatacar.com, c'est le centre auto personnalisé à votre voiture qui vous propose uniquement les équipements, accessoires et prestations d'entretien spécifiques à votre voiture. Et c'est en plus le service d'entretien à domicile. D'accord. Alors, donc, c'est déjà un site internet. Hein. C'est comme ça qu'on s'en sert. On va sur avatacar.com, on rentre le nom de sa voiture. Par exemple, Fuego Turbo Diesel 1981. Mm-hmm. Ensuite, si on veut faire l'entretien, on peut avoir chez soi un garage à domicile. C'est ça? Il y a un camion qui se déplace? Comment ça fonctionne? Tout à fait. En fait, lorsque vous vous rendez sur le site, vous avez un système qui est très simple puisque vous saisissez la plaque d'immatriculation de votre véhicule. Et ça va transformer le site, le personnaliser entièrement à votre voiture, c'est-à-dire qu'on va proposer donc tout ce qui est spécifique à la voiture, mais aussi on va pouvoir vous montrer le plan d'entretien spécifique de la voiture. Oui, fait par le constructeur. Donc en fait, si vous avez perdu le carnet d'entretien, c'est l'occasion de savoir quand est-ce qu'il faut faire les révisions. Voilà, et c'est surtout l'occasion de savoir ce qu'il y a exactement à faire sur le véhicule. Donc il y a pas de mauvaise surprise, le rendez-vous est pris en ligne. Et ensuite vous choisissez soit parmi nos garages physiques, soit la prestation de garage à domicile. Donc là c'est la camionnette qui vient directement à vous, que ce soit à domicile, sur votre lieu de travail. C'est le client. Mais et si je suis parisien et que je suis dans un sous-sol où un camion peut pas accéder, je peux faire quand même la révision de mon auto? Alors là, il y a eu un gros travail fait de la part de nos services techniques, puisqu'on a aménagé des véhicules qui pouvaient justement accéder à des sous-sols. Donc on a travaillé sur l'équipement d'atelier et on l'a fait rentrer dans une voiture, c'est des petites camionnettes. C'était vraiment le problème parisien, puisque à Paris on a beaucoup de parkings souterrains. Donc du coup c'était vraiment la partie innovante d'avatacar.com sur ces ateliers mobiles qui pouvaient accéder à n'importe quel lieu qui a été sélectionné par le client. D'accord. Quel type de prestations vous pouvez faire? Si je suis en panne, ça fonctionne pas, c'est uniquement de l'entretien? Pas sur du dépannage, puisque on est sur de l'entretien courant, hein, c'est-à-dire la révision annuelle. Donc mais par contre on peut faire toutes les prestations, que ce soit la purge des systèmes hydrauliques, changer une courroie de distribution. Après il y a les vidanges, le remplacement de vos filtres, pneumatiques aussi. Les pneumatiques, tout à fait, oui. Et vous arrivez à avoir un stock de pièces suffisant? Parce que si demain, moi, je rentre le numéro de mon véhicule et que je demande un rendez-vous, alors quel délai il y a entre le moment où on va sur le site internet et la prestation sur place, c'est-à-dire à mon domicile ou à mon lieu de travail? Et comment arrivez-vous à obtenir les pièces? Alors, entre la prise de rendez-vous et le rendez-vous, il y a 72 heures. Et comment on fait? En fait, il faut savoir qu'on couvre 99,8% du parc roulant avec nos plateformes de stockage. On a 10 plateformes de stockage en France. En fait, on s'adosse à un grand groupe qui est le groupe Massa et qui est un méga grossiste qui est spécialisé donc dans la vente de pièces aux professionnels, mais surtout de pneumatiques, puisqu'on est les premiers vendeurs de pneus en France. Donc ce qui nous permet d'avoir dans n'importe quelle région française la disponibilité des stocks en temps réel. Eh bien merci beaucoup Magali Massa. Bah, écoutez, merci à vous, c'était un plaisir. Avatacar.com. Jean-Luc, on revient dans un instant et on va s'intéresser à l'actualité de la semaine dans le monde de l'automobile avec notre partenaire automoto.com. A tout de suite, c'était RMC. Rejoignez les experts auto sur leur page Facebook, Votre Auto sur RMC. Avec Volkswagen, on est tous fiers d'être bleus. Mettez-vous aux couleurs des bleus, tweetez vos selfies d'encouragement avec la mention @RMC Euro et le hashtag #VibreZBleu et recevez votre vignette personnalisée de supporters. Des cadeaux exceptionnels sont à gagner. Vibrez bleu avec Volkswagen, partenaire des bleus. Coucou, c'est nous, vos conseillers Bureau Vallée. Sachez qu'en ce moment, la clé USB Twister 16 Go est à seulement 4,79€ TTC. Et avec les clés Twister, ça va twister. Hein? Ah bah oui, c'est bientôt les fêtes de la musique. Oh là là. Yeah. Bureau Vallée, le discount est dans notre nature. Offre valable du 6 juin au 2 juillet 2016. Voir liste des magasins participants sur bureau-vallée.fr.

Je pense que la Giulia peut se démarquer. Ouais, c'est une sorte d'originalité dans un segment en fait qui est devenu un petit peu classique. On va dire ça comme ça. Voilà, en plus, esthétiquement, c'est vrai que elle est plutôt jolie. Hein. Oui, enfin, oui, moi, c'est bon goût perso, mais c'est vrai que je la trouve. Vous aimez beaucoup toutes les Giulia, d'ailleurs. Ouais, voilà. Notamment Robert. En tout cas, elle a du caractère. Elle a un caractère esthétique, mais elle a un caractère routier. Voilà. Il y a une direction très directe. Il y a un équilibre du châssis qui est vraiment remarquable. On se fait plaisir en conduisant cette voiture, vraiment. Pour en savoir plus, automoto.com. On enchaîne maintenant avec les restrictions de circulation à Paris. Ah oui, c'est pour bientôt. 1er juillet, la Fuego Terminado, hein. Ah oui, c'est pour bientôt. Alors, on peut se demander si vraiment c'est pour bientôt, parce que visiblement, rien n'est prêt. Hein. Normalement, il doit y avoir des petites pastilles qu'on va apposer sur son pare-brise qui définissent ou non l'autorisation de circuler. Alors, on explique qui pourra circuler et qui ne pourra pas. Alors déjà, les endroits. Normalement, c'est Paris intramuros, sauf le périphérique et le bois de Vincennes et le bois de Boulogne. Voilà, exactement. Alors, ça vous rassure, le bois de Boulogne, Jean-Luc, vous pourrez toujours circuler librement. On pourra toujours aller chasser dans le bois de Boulogne. Très bien. Et c'est entre 8h et 20h. Donc c'est dans la journée. La nuit, vous avez en semaine. La nuit et le week-end, vous aurez encore le droit de circuler avec la Fuego. Donc attendez, Paris intramuros, ça veut dire que si j'ai pas ma petite pastille, je pourrais plus circuler dans Paris? Alors, si vous n'avez pas la bonne couleur de pastille. Voilà, parce c'est que ça. Le but, c'est que chaque véhicule, en fonction de son année de mise en circulation. Voilà. Et de sa pollution, aura peut-être. Une pastille de couleur et de sa pollution. Mais ça, c'est évidemment indu. Mais non, c'est pas ça. C'est que l'année de mise en circulation ne correspond pas forcément au niveau de pollution. Exemple, une Honda Civic. Oui, qui date de 10 ans. CVTT de 1975 répond aux normes anti-pollution actuelles. Donc le pauvre type avec sa Honda Civic, on va l'empêcher de circuler dans Paris, alors que le gars qui a un diesel qui a un an, un Renault Captur par exemple, qui vient de démontrer qu'il polluait beaucoup, dans la réalité, aura le droit de circuler. On explique les pastilles alors. Alors il y aura des. Donc en fonction de la couleur de pastille, vous serez autorisé ou pas. Les voitures qui ne seront pas autorisées à circuler, c'est celles qui sont antérieures à 1997. Alors vous allez me dire, mais comment on va aller avoir les pastilles? c'est la vraie question. Et je pense que Romain n'a pas la réponse. Vous n'avez pas la réponse, Romain? Non, pas pour l'instant. Je ne l'ai pas non plus. On ne l'a pas. Voilà. On ne sait pas qui, quand, comment va distribuer. On va avoir ces pastilles. Ouais. Ça rentre en vigueur. On n'est pas couché. Voilà, alors. Ça rentre en vigueur dans 3 semaines à peine. Et on ne sait toujours pas comment il va falloir faire. Et puis, surtout, comment va-t-on donc vérifier? Ça va être retardé alors? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, c'est du grand n'importe quoi. C'est encore une décision qui a été prise un petit peu à l'emporte-pièce, sans réflexion. On ne sait pas non plus réellement si les véhicules en carte grise collection vont être concernés ou pas. A priori, non. Il y a des discussions qui vont dans ce sens-là. Mais tant que le texte définitif n'est pas sorti, on nage dans la pagaille. En plein mystère. Voilà. Mais bon, dites-vous que la Fuego, ça risque d'être plus compliqué. Alors, compliqué pour la Fuego aussi. Oui. Les 24 heures du Mans la semaine prochaine, 18-19 juin. Ah oui. Vous avez engagé la voiture, j'ai vu ça sur la. Oui. Vous avez pas été retenu aux essais qualificatifs, c'est bête. Je sais. Oui, c'est ça. Je sais pas pourquoi. C'est bête, mais en revanche, Romain, il y aura du beau monde au Mans la semaine prochaine. Bien, oui, comme les éditions précédentes, il y aura principalement, en tête d'affiche en tout cas, 3 grands constructeurs, Toyota, Audi et Porsche. Qui pour une fois auront tous le même nombre de voitures, ce qui pourrait redistribuer les cartes, ouais. Voilà. Alors avec des modifications techniques sur les voitures cette année. Oui, si Porsche conserve à peu près la voiture de l'an passé avec quelques évolutions seulement, en fait. Des voitures hybrides, on va préciser pour ceux qui sont pas des grands spécialistes, mais c'est vrai que le Mans maintenant, pour gagner le Mans, faut pratiquement être en hybride. Oui, c'est même une obligation de toute façon pour prétendre à la catégorie suprême des voitures engagées. D'accord. Alors donc, des Porsche qui vont être à peu près similaires à celles de l'an dernier, des Audi qui changent ou pas et Audi Toyota qui changent également un petit peu. Oui, des Audi et des Toyota qui changent un peu. Audi toujours hybride diesel. Et Toyota hybride essence comme la Porsche et ces deux marques Audi et Toyota en fait se mettent peu à peu à copier Porsche qui avait été le premier à s'engager avec une voiture avec des batteries stockant l'énergie avec des batteries. Et ben c'est maintenant le cas sur l'Audi et sur la Toyota. Bah, l'autre il est stocké comment dans les autres voitures? C'était quoi, du super condensateur? Alors, c'était quoi? C'est sur la Toyota, c'était effectivement des composants électroniques, des super condensateurs qui ne retiennent l'énergie que pendant un certain temps, contrairement à une batterie.

Valentin Maillot. Bonjour Valentin. Bonjour Serge, bonjour à tous. Aujourd'hui encore il fait gris et il pleut, excepté quand même sur les Pyrénées, le Languedoc-Roussillon, la Côte d'Azur et la Corse où le temps est ensoleillé. Mais le vent souffle jusqu'à 80 km/h par près de la Méditerranée. En revanche, sur tout le nord-ouest du pays, ça reste toujours perturbé avec de la pluie. À l'est, des averses aussi, de l'Alsace à la Bourgogne. Au fil de la journée, les averses vont aussi arriver sur le nord, l'île de France et le centre, avec même des orages localement. Demain et une bonne partie de la semaine, encore un temps perturbé mais du soleil dans le sud. Les températures sont encore en baisse, 19 degrés à Brest, 20 pour Paris et Bordeaux, 22 à Strasbourg et Toulouse, 23 pour Lyon, 25 degrés à Ajaccio, 27 à Perpignan et 29 degrés à Marseille. Profitez d'un moment de détente avec piscine-hydrosud.fr, site internet et magasin spécialiste de la piscine. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Dès 14h, intégrale UEFA Euro 2016. Avec à 15h, Turquie-Croatie, suivi à 18h de Pologne-Irlande du Nord. 20h, Formule 1, départ du Grand Prix du Canada. Et à 21h, intégrale UEFA Euro 2016, coup d'envoi d'Allemagne-Ukraine. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur internet, RMC. RMC 10h, les grandes gueules du sport arrivent dans quelques instants. Le journal maintenant présenté par Julien Coudreau. Bonjour Julien. Bonjour Serge et bonjour à tous. Triste spectacle hier soir à Marseille, la ville où se déroulait le match Angleterre-Russie, a été le théâtre de combats de rue entre pseudo-supporters. Bilan 35 blessés dont 4 graves, notamment un supporter anglais d'une cinquantaine d'années frappé à coups de barre de fer. Il est ce matin entre la vie et la mort. Des affrontements ont également eu lieu à l'intérieur du stade Vélodrome pendant et après le match. 8 personnes ont été interpellées. Condamnation unanime dès hier soir. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, déplore le comportement irresponsable et délibéré de pseudo-supporters. Les autorités estiment en revanche qu'elles ont fait le nécessaire. Il n'y a pas de constat d'échec, assure le commissaire Antoine Boutonnet, chargé de la lutte contre les hooligans en France. Ce n'est pas vraiment l'avis de Samia Ghali, sénatrice maire de Marseille. Je ne comprends pas qu'on s'est retrouvé avec des hooligans qui n'avaient rien à faire sur le Vieux-Port, qui n'avaient rien à faire en France et qui auraient dû rester en Angleterre. Je ne comprends pas que le gouvernement anglais ait laissé, les autorités anglaises, aient laissé finalement ces hooligans venir à Marseille pour commettre ce qu'ils ont commis. Voilà, c'est inacceptable. D'ailleurs, je pense qu'il faut leur demander des comptes. C'est plutôt de ce côté-là qu'il faudra demander des comptes. Et comment nous, en France, on les a laissés rentrer alors que ce sont des gens qui sont fichés? C'est très clair. On est en état d'urgence.